Je vous souhaite formellement bonjour à toutes et toutes. Moi, je m'appelle Diego Antolinos Basso. Je co-organise le MedSem avec Flora Chanvril, Frédéric Cassor, qui est avec nous aujourd'hui, Guillaume Garcia, que je ne vois pas parmi nous, mais c'est pas grave. C'est la chance qu'on a d'organiser ça à plusieurs. Donc, on est quatre centres de Sciences Po, l'OSC, le CDSP, le CVIPOF et le Media Lab à organiser ce séminaire de méthodologie de Sciences Po. Ça fait 31 séances. Ne me demandez pas combien d'années. Je sais pas. Surtout avec le Covid au milieu. Moi, je suis super ravi de vous accueillir pour cette séance de reprise, du coup, de septembre. Cette année, on va prévoir 6 séances. Bon, il reste de la place. On a déjà 6 séances de prévues et on avait l'habitude d'en faire 12. On équilibre, on reste assez flexible vu qu'on ne sait pas si on va être en présence, à distance. Que le CVIPOF et l'OSC, qui sont nos centres, vont déménager en cours d'année, qu'il y a beaucoup de mouvements. La prochaine séance, ça je le sais et je peux vous le dire, ce sera en novembre, ce sera avec Bruno Zambard et ce sera sur la mesure de l'abstention, fin novembre. Donc vous aurez le petit questionnaire pour vous inscrire et le lien Zoom attend, je vous promets, d'ici peu. Et pour aujourd'hui, du coup, on accueille Lou Safra. Donc Lou Safra, tu es chercheuse au CVIPOF. Ta discipline, c'est la science cognitive. Et la science politique. Ton approche, c'est éco-évo. Je voulais absolument le dire parce que j'adore ce terme, Ecological Evolutionary Cognitive Science. J'aime beaucoup ces termes. Tu nous les expliqueras peut-être, j'en sais rien. Ton sujet, donc, du coup, c'est les mécanismes cognitifs des choix politiques. Tu es arrivé au CVIPOF il y a plus de 2 ans, je me trompe, je voulais te poser la question. J'ai 3 ans. 3 ans, ça va super vite. Ouais. Donc, voilà, ça fait 3 ans que tu es au CVIPOF et que tu bosses là-dessus avec entre autres le choix du leader et la coopération comme sujet. Aujourd'hui, tu veux nous parler des bases des méthodes expérimentales. Cette séance, en fait, fait suite à un séminaire que j'ai eu la chance de suivre, que tu as donné l'année dernière, si je ne me trompe pas, en juin. Et donc, je voulais simplement dire que c'est un peu difficile, je pense, de compresser 12 heures de séminaire en 1 heure et demie de médecin, mais que je pense que c'était super important pour nous et je suis ravi de t'accueillir pour parler du coup de ces méthodes-là aux médecins. J'ai rien de plus à ajouter. Je vous remercie tous. Lou, the floor is yours. S'il y a quoi que ce soit, moi, je reste là avec la caméra, je ferai l'animation. On a 1 heure et demie de séance et ensuite on aura 1 demi-heure de discussion. Au minimum, on n'occupe pas de salle et on est assez libre, donc voilà, on discutera après autant que nécessaire. Merci beaucoup. Lou, à toi. Super, bah merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment très contente d'être ici et de vous présenter ces méthodes expérimentales dont on entend de plus en plus parler. Et comme tout ce dont on entend beaucoup parler, souvent on ne les définit pas forcément très bien. Donc, du coup, je partage mon écran. Donc, juste une seconde, je lance mon diaporama. Et voilà. Donc, comme l'a dit Diego, donc je suis assistante prof au CVIPOF et donc moi je viens des sciences cognitives. Donc en fait, les méthodes expérimentales dont je vais vous parler, c'est vraiment les méthodes pour étudier le comportement, donc dans une approche cognitive, mais qui peut s'appliquer de façon plus large. Donc c'est vraiment les méthodes de la psychologie expérimentale. Donc première question, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser les méthodes expérimentales? Alors, la réponse, moi, que je donne, c'est que c'est vraiment pour compléter la panoplie des méthodes disponibles en sciences humaines. C'est vraiment l'idée que, en fait, ça ne va pas être des méthodes qui se substituent aux méthodes qu'on connaît, aux questionnaires, à l'observation, enfin, vraiment aux méthodes, même l'étude de documents, etc. C'est des méthodes qui vont venir en plus, qui vont permettre d'étudier d'autres choses, de contrer peut-être certaines limites qui peuvent exister dans les autres méthodes qui sont utilisées, sachant que les méthodes expérimentales ont elles aussi leurs limites. Donc, ce n'est pas du tout la méthode ultime pour étudier le comportement, les attitudes, les préférences, mais une méthode parmi d'autres. Donc, c'était un peu mon disclaimer de début. Et autre point, c'est si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que voilà, parfois je ne suis pas forcément très claire. J'en ai pas parlé, N'hésitez pas. les questions à la fin ou les questions pendant, donc tu viens de le dire, Peu juste. importe, moi vraiment les deux me vont. Donc si vous avez des questions vraiment qui vous empêchent de comprendre, vous n'hésitez pas à les poser. Et puis si vous préférez en garder pour la fin, vous en gardez pour la fin, c'est complètement libre. Top. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc L'idée, c'est qu'il y a deux choses qu'on va pouvoir regarder, enfin, qui vont pouvoir être faites avec les méthodes expérimentales. D'une part, ça va être contrer certains biais de réponse, donc qui peuvent exister notamment quand on utilise des méthodes de questionnaire. Et l'autre, ça va être d'étudier des liens de causalité. Donc, avec cette idée que bah, si on veut voir si une variable influence une autre variable, il va falloir utiliser des outils spécifiques. Donc, l'économie a l'idée de choc exogène et bah, les méthodes expérimentales sont une autre façon d'étudier les rapports de causalité, enfin, les liens de causalité. Donc, on va d'abord regarder comment ça permet de contrer les biais de réponse. Et un biais particulier, ça va être le biais de désirabilité sociale qui va enfin, contaminer notamment les questionnaires. Donc, le biais de désirabilité sociale, c'est le fait que les gens ont tendance à répondre aux questions d'une manière qui sera perçue favorablement par les autres. Donc ça, c'est ancré de façon très, très profonde dans notre psychologie de vouloir un peu avoir bonne réputation et ça se reflète aussi dans les questionnaires. Donc pourquoi c'est un problème? Parce que ben, on va avoir une surdéclaration des bons comportements et une sous-déclaration des mauvais comportements. Ça, c'est quelque chose qui est très connu par toutes les personnes qui font en fait, des questionnaires ou même des entretiens. Donc par exemple, si on utilise une mesure classique de l'autoritarisme, comme dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec le fait qu'avoir un dirigeant fort qui n'a pas à se soucier du Parlement et des élections est une bonne chose? Bon, ben là, on sait que les gens, même s'ils sont un peu d'accord, ils vont avoir tendance à dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que, voilà, biais de désirabilité sociale, ils veulent pas que, enfin, ils veulent montrer une bonne image d'eux-mêmes et donc se conformer à une norme dans la société. Donc, ça, avoir conscience de ce biais-là, c'est important. Donc, enfin, et toutes les personnes qui font des questionnaires en ont conscience que, en fait, ce qu'on va mesurer quand on va utiliser ce genre de questions, c'est le fait que les gens, enfin, veulent dire explicitement qu'ils préfèrent, enfin, ou qu'ils ont cette attitude-là. Donc, on va pouvoir, enfin, il va y avoir peut-être une différence entre ce qu'ils pensent vraiment et ce qu'ils déclarent, et ce qu'on va mesurer, c'est à quel point ils souhaitent le déclarer. Les méthodes expérimentales, en utilisant des outils, notamment de la psychologie expérimentale, vont permettre de contrer ces biais-là en utilisant des mesures qui sont un peu plus implicites, par exemple, ou ben, en fait, qui vont utiliser un peu des chemins détournés pour mesurer les comportements. Donc ça, c'est une première chose qu'on va regarder. Et la deuxième chose qui est possible avec les méthodes expérimentales, c'est bien sûr les liens de causalité, avec cette idée qu'on va comparer différentes conditions expérimentales et regarder les différences de comportement en fonction de ces conditions. Et ça, c'est vraiment la base de la structure des approches expérimentales. On va avoir donc, en fait, deux conditions. Une condition où le stimulus est présent, ou alors où le contexte est présent, et dans laquelle on va mesurer un comportement d'intérêt. Donc, c'est la première ligne. Et une autre condition où le stimulus est absent, ou alors où on présente un autre stimulus, donc une autre image, un autre son, une autre information. Ou alors où le contexte est absent ou un autre contexte. Donc, par exemple, on peut mettre les gens dans un contexte de compétition et les mettre dans un contexte de coopération et regarder le comportement d'intérêt. Et ce qu'on va voir, c'est comment ce comportement d'intérêt varie en fonction de la présence ou de l'absence du stimulus, de la présence ou de l'absence du contexte. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est comment on va faire pour regarder ce comportement d'intérêt, puisqu'en fait, on va avoir différentes méthodes qui vont permettre de mesurer finalement les décisions et les comportements dans ces contextes expérimentaux. Alors, comment mesurer le comportement? On va avoir différentes mesures qui sont possibles pour différentes questions de recherche. Et c'est là où on va avoir notamment l'une des originalités des méthodes expérimentales qui viennent de la psychologie, c'est qu'on va pouvoir regarder plusieurs dimensions du processus de choix. Donc, on peut s'intéresser au choix lui-même, donc, en mesurant soit le choix directement des gens, donc alors proposant différentes options et on mesure ce qu'ils préfèrent ou alors ce qu'ils croient ou ce qu'ils perçoivent. Ou donc une sous-possibilité dans ces processus de choix, c'est de mesurer l'acuité. Donc dans un contexte où il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse, de mesurer à quel point les gens sont capables de sélectionner la bonne réponse. Donc un exemple pour mesurer les choix, c'est par exemple on va à utiliser des échelles. Donc on peut demander genre leur perception, donc à quel point cette personne vous semble-t-elle intelligente, vraiment juste les perceptions à partir des visages, par exemple. Et ils ont le choix entre pas du tout et beaucoup, et puis ils cliquent où ils veulent sur cette échelle, et ça nous donne une mesure de leurs évaluations sociales. Une autre possibilité, c'est donc des choses qui sont très classiques en économie, c'est de leur proposer des choix entre 1 dollar maintenant ou 5 dollars dans une semaine, 1 dollar maintenant ou 10 dollars dans une semaine, 1 dollar maintenant ou 50 dollars dans une semaine, ce qui permet d'avoir une mesure de leur préférence temporaire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont se rapprocher beaucoup des questionnaires, en fait, puisqu'on va demander explicitement aux gens ce qu'ils ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils croient. Donc là, c'est un autre exemple sur l'acuité. Donc, on peut présenter des visages aux participants. Donc ça, c'est une expérience sur la perception émotionnelle. Et on a différents visages qui varient selon leur degré de colère ou de dégoût. Donc, c'est des morphes entre un visage très en colère et un visage très dégoûté. Et puis, on demande aux participants, pour chacun de ces visages, s'ils pensent que la personne est en colère ou dégoûtée, ce qui nous permet de savoir, en fait, c'est sa capacité à reconnaître ces deux émotions. Donc là encore, assez proche finalement de ce qu'on peut retrouver dans les questionnaires, puisque c'est vraiment des questions explicites qu'on va poser aux participants. Ça, c'était pour le choix. L'autre chose qu'on peut mesurer, c'est le processus de choix. Et donc là, c'est là qu'on va être plus dans la psychologie, entre guillemets. Et ce qu'on va pouvoir mesurer notamment, c'est le temps de réaction. Et donc, on va avoir cette idée qu'en fait, un peu centrale des sciences cognitives, qui est que l'individu va traiter l'information qu'on va lui donner, qui va en fait la processer, donc avoir des mécanismes cognitifs qui vont traiter cette information et ce qui va aboutir à un choix. Et le temps, enfin finalement, que l'individu va prendre entre le moment où on va lui donner l'information et le moment où il va prendre sa décision, va nous renseigner notamment sur la complexité du traitement de l'information. Ou finalement, est-ce qu'il y a des informations qui ont des premiums attentionnels, donc qui vont être perçues beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc voilà, ça va nous donner des informations aussi sur les mécanismes sous-jacents, sur à quel point le choix va être complexe, à quel point il va être difficile. Donc c'est une variable qui est intéressante à mesurer et donc qui est aussi tout à fait finalement basique à mesurer quand on utilise des choses qui sont via ordinateur. Donc c'est quelque chose qui peut être fait très très facilement. L'autre chose qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle des variables en ligne. C'est des variables qui sont un peu plus complexes, qui vont elles aussi pouvoir mesurer le processus de choix. Et donc, à l'aide de protocoles expérimentaux, on va pouvoir, par exemple, mesurer si le participant doit cliquer avec sa souris sur la partie gauche de l'écran ou la partie droite de l'écran en fonction de son choix. On peut mesurer la déviation de sa trajectoire, qui va nous donner aussi une variable indiquant à quel point le choix est complexe, à quel point il hésite. Donc là aussi, on va avoir une mesure de l'intégration et du traitement de l'information. Donc ça, c'est vraiment des deux mesures qui sont utilisées très classiquement en psychologie expérimentale et qui peuvent être intéressantes pour justement avoir accès à d'autres variables, notamment des variables dont les participants ne sont pas forcément capables ou n'ont pas forcément envie de rapporter explicitement. Donc, juste pour vous donner un exemple de processus d'utilisation de ces mesures, donc là, je vais vous présenter une image avec différentes petites vignettes. Et vous allez devoir identifier où est le visage il y a un visage d'enfant, en fait, parmi ces vignettes. Vous allez devoir identifier où il est. Donc, hop. Là, je vais rester une seconde. Normalement, est-ce que vous l'avez trouvé? Je vois des têtes qui hochent. Voilà, donc en fait, le petit visage est ici. Et donc, en fait, ça, c'est un processus qui est très, très rapide. Et on va comparer ce processus-là de détection des visages avec la détection d'un autre type d'image qui est assez semblable, qui est un visage d'animal. Donc là, prochaine image, ça va être les mêmes types de vignettes, et, sauf que vous devez trouver la tête d'animal qui est cachée parmi ces images. Voilà, est-ce que vous l'avez trouvé? Normalement, c'est un peu plus dur. Elle est là. Et donc, ce genre d'expérience permet en fait, de révéler le premium attentionnel. Donc, le fait que la détection du visage, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide chez l'être humain. Donc, c'est typiquement un exemple où les temps de réaction sont intéressants. Parce que finalement, toute personne qui fait cette expérience est capable, quand on dit être suffisamment de temps, de détecter où est le visage d'animal, où est le visage de pourfend. Et donc là où ça va être enfin, la variable qui va être intéressante à extraire, c'est vraiment le temps de réaction. Donc on n'a pas une notion de pourcentage d'erreur, etc., mais vraiment le temps de réaction qui va nous donner une information sur le traitement de cette information et la façon dont les gens perçoivent les stimuli et réagissent. Donc, la question, donc, quand on va construire une expérience comportementale, une forme de sens comportemental, la question centrale, ça va être vraiment de savoir quel type de mesure choisir. Donc, on va avoir, donc, comme je l'ai dit, plusieurs possibilités. Donc, déjà, plusieurs possibilités de poser la question aux participants. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la perception des visages, on peut utiliser des échelles. Donc, là, demander à quel point cette personne vous semble-t-elle digne de confiance. Ou on peut utiliser des choix binaires. Et donc là, on va avoir aussi des, ben en fait, là encore, un choix à faire et qui va dépendre de la question de recherche. On va avoir des avantages et des inconvénients de chacune des mesures. Donc, l'échelle va être plus sensible. Au contraire, la réponse binaire va être moins sensible, mais elle va permettre d'analyser les temps de réaction, ce qui ne va pas être réellement possible avec une échelle. Donc là encore, en fait, on va avoir plusieurs possibilités. Et le choix entre ces différentes possibilités va dépendre de la question de recherche, si je suis intéressée par à quel point les gens vont être rapides à prendre leurs décisions, notamment si je fais varier le contexte ou si je fais varier le visage, eh ben je vais plutôt être intéressée par l'utilisation d'une réponse binaire. Si au contraire, je veux quelque chose de très simple, pouvoir analyser mes données, notamment les considérer comme des données linéaires, ce qui peut être intéressant aussi d'un point de vue statistique, on va plutôt utiliser une échelle. Donc ça, c'est des choix expérimentaux à faire et qui vont vraiment dépendre de la question de recherche. Une autre possibilité, c'est d'ajouter des manipulations expérimentales. Donc, par exemple, on peut ajouter une pression temporelle. Et cette pression temporelle, l'avantage est que ça va permettre d'avoir des mesures de réponse qui sont automatiques. Donc, l'utilisation d'une pression temporelle va être possible principalement que quand on a une réponse binaire. Et ça va être un outil qui aussi vient donc, de la psychologie, et qui est lié au fait que, en fait, on va vraiment considérer que les réponses qui sont plus réfléchies vont prendre plus de temps parce qu'elles nécessitent des mécanismes cognitifs supplémentaires. Et donc, l'utilisation d'une pression temporelle va permettre de, en fait, empêcher l'activation de ces mécanismes plus réfléchis, donc de contrôle cognitif, et donc d'avoir vraiment les réponses automatiques des personnes, donc ce qui va être notamment intéressant pour tous les types de réponses où il va y avoir un biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le biais de désirabilité sociale, c'est un processus cognitif qui va biaiser nos réponses de façon un peu explicite pour se conformer à la norme de la société. Si on vous demande très rapidement de répondre, ce processus cognitif-là ne va pas forcément avoir le temps de se mettre en place. Et donc, on va avoir des réponses qui vont plus révéler les vraies attitudes des gens, les vraies préférences des gens. Donc c'est notamment intéressant pour mesurer des questions un peu sensibles comme les questions de racisme ça a été notamment utilisé pour mesurer le niveau de racisme implicite des gens, donc les attitudes en fait qu'ils vont pas vouloir donner explicitement, donc ils ont pas forcément conscience explicitement. Donc comment choisir entre ces différentes options? Là encore, ça dépend en fait de la question de recherche et en fait du lien entre l'hypothèse qu'on va faire, donc en fait on a notre question de recherche, nos hypothèses, et il va falloir transcrire ces hypothèses en termes de résultats attendus, donc notamment en termes statistiques, est-ce qu'on s'attend à des différences de réponses, est-ce qu'on s'attend à des différences de temps de réaction qui seraient liées à un traitement de l'information différent, ou est-ce qu'on s'est intéressé aux réponses automatiques, aux attitudes implicites ou alors aux attitudes explicites. Et donc, voilà, c'est vraiment, ces choix-là, expérimentaux, vont vraiment dépendre des questions de recherche, de vos questions de recherche, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'aussi, ces choix méthodologiques, si on est intéressé par vraiment un processus psychologique ou par une mesure d'attitude, finalement, ils sont très importants, mais ils doivent pouvoir, ce processus psychologique, par exemple, doit pouvoir être mesuré de différentes façons. Donc, et c'est notamment là où on a la question de la réplication qui va être importante. Donc, il faut savoir qu'en psychologie, il y a maintenant à peu près 5-10 ans, on a connu ce qu'on appelait la crise de la réplication. qui a révélé que 30% des résultats qui sont considérés comme les plus robustes en psychologie ne répliquaient pas. Donc, c'est-à-dire que quand on les faisait en laboratoire de façon très, très contrôlée, en fait, on n'arrivait pas à les trouver. Et donc, ça a été une grande révolution en psychologie. Et donc, ça a mené à vraiment reconsidérer les pratiques pour justement augmenter cette réplicabilité des résultats. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que dans d'autres domaines, comme les sciences biomédicales, c'était, enfin pas biomédicales, mais plutôt la biochimie, c'était 80% qui se répliquaient pas. Donc, on n'était pas si mal, mais ça a quand même mené à un changement des méthodes. Donc, deux types de réplication. La première, c'est la réplication exacte qui va considérer à faire passer exactement la même expérience plusieurs fois. Et donc, si on a mesuré vraiment un mécanisme psychologique, on doit pouvoir avoir le même résultat en faisant passer l'expérience plusieurs fois. Le deuxième type de réplication, c'est la réplication conceptuelle. Et cette réplication conceptuelle va consister à faire passer une expérience similaire, mais pour laquelle on s'attend au même résultat. Donc, c'est vraiment cette idée que si c'est vraiment un mécanisme psychologique ou une attitude, un lien entre un contexte et une attitude que je mesure avec ma méthode expérimentale, eh bien, les choix méthodologiques, bien qu'ils soient importants, si j'en fais d'autres qui sont tout aussi raisonnés, eh bien, on doit pouvoir répliquer les résultats. Donc, en gros, ces deux types de réplication vont permettre de répondre aux questions « Est-ce que ces résultats sont dus uniquement à l'échantillon que j'ai testé ?» Donc ça, notamment avec la question de la réplication exacte. Est-ce qu'ils sont dus uniquement à la méthode utilisée avec la réplication conceptuelle ou est-ce qu'ils sont dus à la météo, par exemple, où on peut dire complètement à quelque chose au hasard. En fait, ça peut arriver, le hasard statistique peut faire qu'on obtient un résultat significatif et finalement, si on refait passer exactement la même expérience, on ne va pas l'obtenir, mais juste parce que même quelque chose qui n'existe pas peut être trouvé de façon statistique. Donc, exemple de réplication conceptuelle. Donc, ça, c'est une expérience qui a été conduite pour étudier les préférences politiques. Et en fait, est-ce que des questions faites sur les perceptions de compétences à partir des visages permettaient de prédire les résultats à des élections réelles? Donc, c'est une expérience qui a été faite en 2005 par l'équipe de Alexander Todorov, qui est un peu une expérience fondatrice du champ de l'étude de l'influence de la perception des visages sur les choix politiques et les choix de vote. Donc, elle consistait à présenter aux participants les candidats des élections donc sénatoriales aux États-Unis et de leur demander laquelle de ces personnes est la plus compétente. Et ce que ça a permis de voir, c'est qu'en fait, on avait un pouvoir prédictif très fort, donc 70% à partir juste des visages pour prédire les résultats des élections. Et donc, cette expérience a été répliquée. Je pense qu'en fait, en tout cas, juste pour répondre à la question sur le chat, pour moi, la réplication, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur les méthodes expérimentales. Ouais, du coup, j'ai eu un truc. Bon, bref, j'ai pu me débrouiller, en fait. Donc, je me suis arrangée pour que ça passe. Donc, c'est bon, je fais le cours. Et je me suis connectée sur Teams, là, ce matin, en arrivant au boulot. Et c'est bon, je peux lancer l'invitation. Donc, là, je suis en train d'écouter une conf. Mais après, je les invite à la pause, en fait, à la pause de la conf. Donc c'est bon, tout va bien. Il y a des fois, bref. Bon, voilà. À plus tard, bien. Salut. Ah si, c'est Nadine. Désolé Lou, donc du coup, je n'ai pas fait mon travail de gestion, mais voilà. Donc, juste pour répondre à la question qui était dans le chat, par rapport à la réplication, moi, ma posture, en fait, là-dessus, c'est que vraiment pour les méthodes expérimentales, étant donné que c'est des méthodes qui sont censées être extrêmement contrôlées, la réplication est quelque chose de central parce que, en fait, on se met dans des conditions pour vraiment tester une hypothèse. Ça, c'est extrêmement important. En fait, il y a des expériences qui peuvent être assez exploratoires, mais il faut toujours les confirmer. il faut toujours les confirmer en fait, par des expériences qui vont vraiment être créées pour tester une hypothèse précise, donc qui va permettre de valider ou invalider une théorie ou enfin, de valider une théorie plutôt qu'une autre, par exemple, de confirmer une théorie plutôt qu'une autre. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, pour moi, la question de la réplicabilité est extrêmement importante. C'est-à-dire que, notamment parce que toutes ces méthodes-là vont s'appuyer sur l'analyse de résultats donc à partir de tests statistiques. Et donc là aussi, on sait que les tests statistiques, en fait, même quand ils sont très, très bien conduits, eh ben, il y a une probabilité d'obtenir un résultat significatif, même si l'effet n'existe pas. C'est le principe aussi des statistiques. Et donc, c'est important d'augmenter la puissance statistique par la réplicabilité. Donc, en fait, on a vraiment plusieurs, à la fois l'idée que ce sont des expériences qui sont faites pour tester une hypothèse précise et aussi la question de l'utilisation des tests statistiques qui rendent la réplicabilité extrêmement importante selon moi. Voilà. Donc, ça, c'est donc un exemple pour la réplication conceptuelle. Donc, on a une expérience initiale où les participants doivent choisir entre deux photos et des résultats initiaux qui sont que celui qui est identifié comme, désolé pour la faute d'orthographe, le plus compétent a le plus de chances d'être élu. Et donc, on va avoir des réplications conceptuelles de cette expérience. Donc, par exemple, à la place de demander vraiment de choisir entre deux photos, on demande aux participants de faire un choix qui est un peu plus sensible, un peu plus fin. Ils doivent dire si la personne de droite est plus compétente que celle de gauche, est-ce qu'elle est beaucoup moins compétente ou beaucoup plus compétente, en utilisant une échelle. Une autre réplication conceptuelle, c'est de montrer les visages de façon séquentielle et demander à quel point cette personne est-elle compétente. Et donc, de comparer en fait, les résultats, les évaluations des deux personnes et de voir si ça prédit toujours les résultats aux élections. Donc, ce qui a été montré pour ce résultat précis, c'est que oui, donc, quelle que soit en fait, la façon dont on posait la question aux participants, on obtenait des données qui étaient prédictibles, enfin prédictibles des résultats des élections. Et ce qui est intéressant aussi avec l'idée de réplication conceptuelle, c'est qu'à la fois, ça va permettre de répliquer les résultats initiaux, mais également d'aller un peu plus loin dans la compréhension des mécanismes, puisque ici, on va regarder donc, non seulement si c'est vraiment la comparaison entre les deux visages qui va être importante, ou est-ce que le niveau, pas objectif, mais le niveau sans comparaison, en fait, de compétences perçues des visages va aussi prédire les résultats des élections. Et donc, est-ce que c'est vraiment paraître plus compétent que son adversaire ou paraître compétent tout court qui va prédire les résultats des élections? Et donc, ça va permettre de mieux comprendre en fait, les mécanismes qui sont en place. Il faut aussi faire attention donc, quand on choisit le type de mesure qu'on va utiliser, à ce que les participants vont comprendre de l'expérience. Donc ça, c'est important, donc notamment parce que le biais de désirabilité sociale existe aussi dans ces expériences comportementales. Par exemple, si on demande aux gens une question explicite de racisme, est-ce que vous vous définissez comme raciste? Donc là, c'est vraiment quelque chose de type questionnaire. Donc, ils vont répondre selon à la fois leurs attitudes, mais aussi selon est-ce qu'ils ont un fort biais de désirabilité sociale ou pas. Donc, c'est très, très explicite. Mais on peut aussi utiliser quelque chose qui va nous paraître un peu plus implicite, qui est de leur demander de choisir entre des visages qui est le plus compétent. Et donc là, en fait, finalement, on a quelque chose qui est un peu moins explicite, mais qui est toujours évident. C'est-à-dire que les participants, très rapidement, vont deviner ce qu'on essaye de mesurer et ce qu'on essaye de faire. Donc, l'avantage, c'est que... l'intérêt, c'est qu'on peut se dire, ben, en fait, moi, ma question, c'est de voir si les gens sont capables de contrôler leur possible biais raciste. Donc, finalement, on peut se dire que ce type de protocole est tout à fait valide. Mais si on souhaite mesurer quelque chose de plus implicite, on ne peut pas utiliser ce type de protocole, on va devoir utiliser des méthodes supplémentaires pour que les participants puissent un peu moins choisir explicitement leurs réponses. Donc là aussi, donc, on a des moyens comme la pression temporelle donc, qui va limiter la capacité à contrôler ces réponses automatiques. Pareil pour la double tâche, donc en fait, ces deux idées reposent sur l'idée donc, de contrôle cognitif et que le contrôle cognitif, qui est un mécanisme cognitif comme d'autres mécanismes cognitifs, va à la fois nécessiter du temps. Donc, il y a vraiment l'idée du cerveau un petit peu comme un ordinateur, enfin, même si c'est quelque chose de très, très basique et très schématique. Donc, le cerveau, donc, il va recevoir des informations, va devoir traiter ces informations. Et donc, le traitement de ces informations nécessite à la fois du temps. Donc là, vraiment, comme quand on fait tourner des programmes sur l'ordinateur, plus il y a de programmes qui tournent, plus ça va prendre du temps, mais qui nécessite aussi des ressources, donc de l'énergie, donc on pourrait considérer comme des ressources cognitives. Et donc ces ressources cognitives, elles peuvent être accaparées, parce que plus on a de processus en cours, plus on va avoir les ressources cognitives qui vont être utilisées, donc moins on va pouvoir les recruter pour effectuer des tâches supplémentaires telles que le contrôle cognitif. Donc par exemple, si à la fois je demande qui est le plus compétent, mais aussi si les participants en plus doivent mémoriser quel visage ils ont vu, je ne sais pas, au tout début de l'expérience qui avait lieu 30 minutes avant, là on va avoir deux tâches qui vont être en même temps et donc ça va laisser moins de ressources cognitives pour effectuer un contrôle cognitif et on va avoir donc des réponses qui sont un peu plus implicites. L'autre possibilité, c'est bien sûr d'ajouter d'autres questions, d'autres types de stimuli, donc pour un peu pour rendre moins explicite l'expérience, donc que les participants comprennent un peu moins vite de quoi il s'agit. Donc, ça, c'était vraiment pour la mesure du comportement d'intérêt. L'autre question, c'est de savoir comment on va manipuler à la fois la présence ou l'absence de stimulus, donc comment on va construire les stimuli et ou la présence ou l'absence de contexte. Donc là, je vais juste vous présenter des éléments qui sont clés pour la construction de stimuli et de contexte, sachant qu'en fait, à peu près tout est possible. Donc, par exemple, pour le contexte, a été fait aussi bien des contextes de jeu, donc par exemple si on étudie la coopération, on met vraiment les gens dans un contexte de coopération ou un contexte de compétition, donc même en utilisant les vrais participants et en les faisant discuter ensemble, en leur disant voilà, vous jouez les uns avec les autres ou les uns contre les autres, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus subtiles, en tout cas un peu plus légère, donc par exemple leur faire lire des informations, donc ils les mettent dans un contexte de compétition ou un contexte de coopération, sachant qu'en fait l'utilisation de ces outils-là, ben, en fait comme c'est un peu plus implicite, c'est aussi, on peut questionner un peu plus les résultats sur leur fiabilité, leur robustesse, puisque finalement c'est pas exactement la même chose de lire quelque chose sur une menace. Je sais pas, un extrait de journal sur une menace, que d'être dans un contexte où on dit vraiment aux participants qu'il y a des menaces et où il peut vraiment perdre de l'argent en fonction de son comportement dans l'expérience. Donc, il faut savoir que il y a différents outils qui sont possibles et que la force de l'induction du contexte peut aussi jouer sur les résultats de l'expérience. Donc, construction du stimuli, donc comment faire ? L'idée, c'est vraiment, en tout cas, d'isoler un élément d'intérêt. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter le fait de regarder plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, puisque en fait, ce qu'on va devoir contraster, c'est les différentes conditions. Donc, par exemple, si on a une variable, cette variable peut être présente ou absente. Donc, on a deux conditions. Donc, on va avoir donc, un test relativement simple. Si on ajoute une deuxième variable, ben on va devoir, si on veut vraiment regarder l'effet de la variable 1 et l'effet de la variable 2, on va devoir croiser ces variables. Donc, on va avoir une condition où la variable 1 est présente et la variable 2 est présente, une condition où la variable 2, enfin, variable 1 est absente et la variable 2 est présente, une condition où la variable 2 est absente et la variable 1 est présente, et une condition où la variable 2 est absente et la variable 1 est absente aussi. Donc, on va avoir déjà quatre conditions. Donc, il va alourdir en fait le design expérimental. Et en fait, si on rajoute une troisième variable, on va avoir 8 conditions, si on veut vraiment proprement étudier les effets des variables les unes par rapport aux autres. Et puis, en fait, plus on a de variables, plus on va avoir de conditions, donc 2 puissance n conditions. Donc, en fait, l'augmentation du nombre de conditions va extrêmement vite. Et donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est d'essayer d'isoler un, maximum deux éléments d'intérêt. Et encore là, donc, c'est vraiment pour le cas où il y a deux niveaux, donc variable présente ou absente, mais on peut imaginer des cas où la variable peut avoir plus de deux niveaux. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'effet de la menace, on va avoir trois niveaux de menace, une menace absente, une menace faible et une menace intense. Et si on la croise avec une autre variable type est-ce que c'est un contexte de coopération ou de compétition, ben on va avoir déjà 6 conditions. Donc on voit qu'en fait, on augmente très très vite la taille du design expérimental et la lourdeur du design expérimental. Donc soit vous faites passer chaque condition à chaque participant, et donc là, ça va faire des expériences qui sont très longues, soit vous faites passer chaque condition à des participants différents, et là, ça fait des tailles d'échantillons qui sont énormes. Donc en fait, on voit que dans les deux cas, ce n'est pas idéal, et l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'isoler une ou deux variables maximum, donc un ou deux éléments d'intérêt maximum, et plutôt de multiplier le nombre d'expériences différentes que d'essayer d'avoir des expériences avec 10 variables qu'on va croiser et qui vont faire des choses beaucoup trop lourdes. Donc, après, une fois qu'on a donc isolé notre variable d'intérêt, la question, c'est donc de définir une expérience qui va être fiable. Et donc là, on va avoir 3 questions principales, selon moi, qu'on peut se poser. C'est la présence de variables confondantes. Donc, est-ce que finalement, les résultats, ils sont vraiment interprétables dans la façon dont on souhaite les interpréter. La question du nombre de participants, qui est une question qui va être assez centrale, puisque assez différente de ce qui se passe dans les autres champs des sciences humaines. Et la question de l'organisation de l'expérience. Donc, l'idée, c'est que les variables confondantes vont être extrêmement importantes dans la construction de l'expérience, puisqu'elles vont influencer sur l'interprétation des résultats. Donc, ça, c'est un exemple très, très basique. Mais par exemple, si je présente ces 2 photos et que je demande aux participants laquelle de ces personnes est la plus compétente, bien, en fait, vous remarquez donc tout de suite qu'il y a une photo qui est en noir et blanc, l'autre photo qui est en couleur. Et donc, ça va induire un biais, finalement. Cette photo va donner beaucoup plus d'informations par le fait qu'elle est en couleur que celle-là. Et donc, les participants vont peut-être vont indiquer que c'est la personne donc sur la photo en couleur qui paraît la plus compétente, mais pas parce que en fait elle a des caractéristiques qui font qu'elle leur paraît plus compétente, mais parce que la photo leur donne plus d'informations, et donc c'est vraiment dû à la façon dont les stimuli sont construits ici. Donc c'est important d'avoir des choses qui sont comparables. Donc ici, la variable confondante, c'est qu'une photographie est en couleur, donc ça rend finalement l'expérience pas du tout interprétable. Pareil, si on a une personne qui est très, très connue et avec une photo en très bonne résolution, et une personne qui n'est pas connue avec en plus une photo de mauvaise résolution, là aussi, on va avoir un biais, puisque là, la variable confondante, c'est qu'une des 2 personnes est très connue. Et donc, les participants vont avoir un biais pour choisir en fonction du fait qu'ils connaissent une des 2 personnes. Et donc, on ne va plus du tout avoir une évaluation sur ce qui nous intéresse, qui sont les caractéristiques physiques qu'on peut extraire à partir des photos, mais ils vont faire leur choix sur d'autres variables. Et donc, ça rend l'expérience les résultats de cette expérience pas interprétables. Donc là encore, la construction des stimuli eux-mêmes est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir construire une expérience qui est interprétable. Donc, ça, c'était l'exemple de photo. Mais par exemple, si vous présentez des textes à des participants, il faut vraiment que les textes soient comparables. Si vous en avez un qui met 20 minutes à être lu et l'autre qui met 5 minutes à être lu, ben, en fait, les participants ne vont pas être exactement dans la même situation quand ils lisent le texte de 20 minutes et le texte de 5 minutes. Donc, si vous variez le niveau de menace et que le texte de 20 minutes est plus menaçant, le texte de 5 minutes est moins menaçant, en fait, vous ne saurez pas si l'effet que vous observez, c'est dû au fait qu'ils ont lu un texte très menaçant versus un texte peu menaçant, ou un texte très long versus un texte pas long. Donc, vraiment, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on construit une expérience. Donc ça, un autre exemple. Donc, si notre question de recherche, c'est peut-on reconnaître les émotions à partir des postures, et qu'on a des stimuli comme ça, en fait, on va devoir retravailler ces stimuli afin de les rendre, de les rendre utilisables pour répondre à notre question de recherche. Donc, on va, par exemple, enlever les visages, puisque ce qui va nous intéresser, c'est les postures. Et donc, on va enlever l'information que les participants peuvent extraire à partir des visages, donc les émotions faciales, l'expression faciale. On va essayer de contrôler pour le genre des personnes qui sont présentées. Donc, là encore, on peut se dire, finalement, peut-être que c'est plus facile ou plus difficile en fonction du genre de l'acteur qui fait l'émotion. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait autant d'acteurs hommes que d'acteurs femmes. Le fond aussi, donc est-ce qu'il y a des grandes variations? Donc là, ils sont tous sur un fond neutre, mais s'il y avait des fonds avec des paysages, là aussi, ça peut influencer sur les résultats, influencer les résultats. Et puis le fait que voilà, il y a de la couleur, donc il y en a qui sont habillés avec des couleurs vives, en rose, en bleu, alors qu'il y en a qui sont habillés avec des couleurs plus neutres. Et on sait que les émotions et la couleur, il y a aussi des interactions entre les deux. Et donc même les visages, enfin les photos en noir et blanc, va permettre de limiter ces variables confondantes. Donc l'idée, c'est vraiment de retravailler les stimuli, de les travailler en amont au maximum, afin de pouvoir réellement ne faire varier dans les stimuli qui sont présentés que la variable d'intérêt, pour vraiment pouvoir analyser les résultats de l'expérience. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être sûr qu'on mesure ce que l'on veut mesurer. Alors, une façon de faire aussi, donc là, ça va être un point méthodo sur le nom, en fait, sur l'idée qu'on va répéter ses choix. En fait, chaque participant va devoir faire les choix plusieurs fois. Donc, pourquoi? Donc, là aussi, c'est des questions en fait, de statistiques et de robustesse des résultats. Donc, l'idée, c'est que l'un des critères, c'est d'essayer de faire en sorte que le participant fait au moins 20 fois le même type de choix. Pourquoi? Donc, c'est à la fois pour limiter les effets du hasard. Donc, par exemple, si je présente deux visages et que je demande aux participants laquelle de ces deux personnes est la plus compétente, si je leur demande une fois, en fait, il y a 50% de chances que le participant réponde que c'est la personne de gauche uniquement par pur hasard. En fait, pas du tout à cause des caractéristiques, donc ici c'est sur des visages, donc des caractéristiques faciales perçues sur ces visages. Donc, si je répète la question, là, on va tomber à 25% de chances qu'ils répondent deux fois que c'est le visage de gauche uniquement par chance. Donc, on va limiter de cette façon-là les effets du hasard. Et pareil, en fait, plus on va répéter cette question, plus on va limiter la possibilité qu'ils répondent de la même façon, qu'ils répondent de façon consistante, uniquement par hasard. Et ce, d'autant plus si on inverse la position des stimuli sur certains essais. Donc là, ici, en fait, le stimuli qui était à gauche dans les essais précédents est passé à droite. Donc, il y a très peu de chances que le participant réponde de façon consistante et donc réponde toujours selon ses préférences, enfin, donc réponde toujours le même visage uniquement par chance. Donc, cette répétition et cette randomisation, donc le fait de présenter de façon aléatoire les visages, là, sur la position du visage, va permettre de limiter les effets du hasard. Une autre raison, c'est bien sûr d'augmenter à la fois la précision et la puissance statistique, puisqu'on ne va pas analyser une seule réponse, mais on va analyser donc 20 réponses. Donc on peut les agréger, on peut avoir une idée de la déviation et de la distribution de ces réponses au sein de chaque participant, ce qui va nous permettre de faire des tests statistiques un peu plus poussés que si on a une seule réponse. L'autre raison, c'est que ça va nous permettre de limiter les effets de stimulus. Donc, en fait, si je demande laquelle de ces deux personnes est la plus compétente, et donc on a une réponse, donc est-ce que, enfin, par exemple, le participant choisit la femme, enfin, le visage de femme ici, on ne peut pas savoir si c'est parce qu'il trouve que les femmes en général sont plus compétentes ou s'il trouve que cette femme-là, en fait, par rapport à cet homme-là, est plus compétente. Si on répète la question avec d'autres stimuli, donc qui sont similaires mais différents, donc là, on a encore un visage de femme et un visage d'homme, et là, on va pouvoir extraire de l'information de est-ce que c'est le genre de la personne qui va être important ou est-ce que c'était vraiment spécifique à la paire de visages qui a été présentée. Donc, c'est la question de est-ce que c'est généralisable à d'autres visages, puisque ce qui vous intéresse, ça ne va pas être en fait, de savoir par rapport à deux visages précis ou par rapport à deux stimuli précis les comportements des participants, mais vraiment de pouvoir extraire quelque chose d'un peu plus généralisable sur leur comportement ou sur leurs attitudes. Donc, c'est pour ça qu'ici, en fait, les choix des stimuli sont assez cruciaux puisque, en fait, l'information que vous allez pouvoir extraire à partir des choix va dépendre des dimensions sur lesquelles sont contrôlés les stimuli. Donc, ici, on va, par exemple, on va avoir toujours un visage d'homme et un visage de femme. Donc, on va pouvoir extraire quelque chose sur l'influence du genre. Voilà, c'est... à partir des réponses des participants. Mais ça pourrait être sur autre chose, du vert, du jaune. Donc, le concept clé qui va être ici, ça va être le concept de validité. On va avoir deux types de validité. D'une part, la validité interne, qui correspond à la validité du résultat au sein de l'expérience, donc avec ces questions d'interprétabilité. Donc, est-ce que l'expérience est bien contrôlée pour les facteurs contondants? Est-ce que les réponses sont cohérentes? Donc là, on va avoir des questions de randomisation, mais aussi la, quelque chose de très, très important, c'est les effets contrôle. Donc avec l'idée de témoins positifs, témoins négatifs aussi. Donc les effets contrôle sont des effets indépendants des résultats d'intérêt, mais c'est des effets que normalement on attend à partir de la littérature si les participants réalisent l'expérience correctement. Donc c'est quelque chose en fait qui va nous permettre de valider le protocole expérimental et de dire finalement je sais que les participants ont réellement fait ma tâche expérimentale comme je m'attendais à ce qu'il la fasse, et donc ça va me permettre de regarder si ma condition d'intérêt a vraiment un effet ou pas, parce que si cet effet contrôle n'est pas présent, en fait, ça pourrait être juste que les participants n'ont pas complété l'expérience comme attendu. Donc, par exemple, si je m'intéresse à l'effet, enfin, au biais raciste dans la perception de la confiance à partir des visages. Donc, les participants peuvent répondre oui ou non à la question « Est-ce que cette personne a l'air digne de confiance ?» Donc, j'ai à la fois des visages d'hommes et des visages de femmes, des donc, personnes de couleur blanche et des personnes de couleur noire. Et donc, ce qu'on sait, c'est que donc, ce qui va nous intéresser, c'est le contraste en fait, des biais racistes. Mais ce qu'on sait de la littérature, c'est que les participants des pays occidentaux vont évaluer les femmes comme étant perçues comme plus dignes de confiance que les hommes. Et donc ça, c'est un effet qui est indépendant de mon effet d'intérêt, c'est-à-dire que c'est complètement indépendant des questions de racisme, mais c'est quelque chose que j'attends de mon expérience. Donc si je ne retrouve pas cet effet que les femmes sont perçues en moyenne comme plus dignes de confiance que les hommes, bah, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème dans mon expérience et que finalement les gens se comportent pas, enfin, les participants se comportent pas dans mon expérience comme je l'attendais. Au contraire, si je retrouve bien cet effet que les femmes sont en moyenne perçues par mes participants comme plus dignes de confiance que les hommes, ça me donne un critère de validité de mon expérience et de mon protocole expérimental en disant bah, voilà, je réplique cet effet, maintenant ça veut dire que dans ma tâche, les participants se comportent bien comme je l'attendais, donc je vais pouvoir regarder ma question d'intérêt qui est ma question du racisme. En parallèle de la question de la validité interne et la question de la validité externe, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important quand on s'intéresse aux sciences humaines de façon plus large, puisque ce qu'on veut, c'est pas mesurer des choses qui ne sont valides qu'en laboratoire, mais qui sont prédictives de comportements réels et donc qui ont un pouvoir explicatif sur ce qu'on peut observer dans la société. Donc, la validité externe, donc bien sûr, il y a la question de la réplicabilité, puisque là, c'est à l'extérieur de l'expérience. Donc, la réplicabilité par rapport à des expériences qui vont être faites par d'autres équipes de recherche, mais aussi la réplicabilité qu'on appelle interne. Donc, c'est la même équipe de recherche qui refait son expérience plusieurs fois. Et les notions de validité convergente et divergente, puisque la validité convergente, c'est que notre comportement qu'on mesure expérimentalement va corréler avec des attitudes qui sont mesurées de façon explicite ou des comportements réels donc, qu'on attend. Donc, par exemple, si j'ai une mesure expérimentale du racisme, eh bien, elle doit quand même corréler dans une certaine mesure avec des comportements racistes réels des participants qui peuvent être autorapportés ou des questionnaires qui ont été faits pour mesurer le racisme de façon explicite et des validités divergentes, c'est-à-dire que mon comportement mesuré expérimentalement ne doit pas corréler avec des choses qui n'est pas censé mesurer. Donc, par exemple, mon comportement raciste, enfin, ma mesure des comportements racistes expérimentales va pas devoir corréler avec des choses qui ne sont pas censées corréler avec le racisme. Donc, par exemple, je ne sais pas trop, pas trop d'idées qui me viennent là. Mais donc, c'est l'idée que, voilà, on peut choisir des attitudes qui sont censés être liés au comportement expérimental. Et donc, la corrélation entre l'attitude explicite et le comportement expérimental va nous donner une indication de la validité convergente de notre mesure expérimentale. Donc, ça mesure bien quelque chose qui est en lien avec la vie réelle. Et on peut aussi choisir des attitudes qui ne sont pas censées être corrélées avec le comportement d'intérêt qu'on mesure expérimentalement. Et ça va nous donner une information sur la validité divergente de notre mesure expérimentale. Et donc aussi, donc là, sur le fait que notre mesure est assez précise, c'est-à-dire qu'elle ne mesure pas tout et n'importe quoi, mais elle mesure vraiment un type précis de comportement réel. Un cas particulier de la validité externe, c'est ce qu'on appelle la test-retest reliability, donc le fait que quand on fait l'expérience plusieurs fois au sein du même échantillon de participants, on peut obtenir ou pas le même résultat. Donc si on obtient le même résultat quand on teste un participant plusieurs fois, on a une stabilité dans le temps des résultats, on a donc une test-retest reliability qui est positive, donc qui indique que l'expérience mesure un trait psychologique, donc quelque chose de stable. Donc ça peut être une attitude qui va être stable dans le temps, qui ne va pas forcément être très influencée, en tout cas à court terme, par le contexte extérieur. Si on n'obtient pas de test-retest reliability, donc les résultats d'un même participant, un instant T et 3 semaines après ne sont pas corrélés, ça va indiquer que notre expérience, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valide, mais qu'elle ne mesure pas un trait, mais un état psychologique. C'est vraiment quelque chose de contextuel et de temporaire. Ça, c'est important puisque, en fonction de ce qui vous intéresse, vous allez plutôt vouloir mesurer des traits ou des états. Et donc, avoir cette mesure de test reliability va vous donner une information qui est importante pour savoir si vous mesurez bien le type de choses que vous souhaitez mesurer. Donc, l'autre question qui était liée à la fiabilité, c'était la question de l'échantillon et du nombre de participants. Donc, la question, c'est est-ce que l'échantillon est approprié, donc à la question de recherche, donc en fonction de si on s'intéresse au comportement des populations défavorisées, on ne va pas forcément tester que des étudiants qui vont à l'université, par exemple. Et est-ce que la taille de l'échantillon est appropriée, donc est-ce qu'elle nous permet de faire les tests statistiques qui nous intéressent, notamment vis-à-vis du nombre de conditions qu'on va faire passer, donc de la complexité de notre expérience. Et est-ce que donc là, les caractéristiques de l'échantillon sont pertinentes pour tester notre question de recherche? Donc, c'était vraiment la question de la fiabilité. Et donc, une question qui va être assez centrale et qui va peut-être différer dans les méthodes expérimentales de psychologie par rapport au reste des sciences humaines, c'est vraiment la question de la taille et de la représentativité de l'échantillon. Donc, le but de tout le monde, c'est de comprendre un phénomène social. Et donc, on a notre échantillon, donc notre population en fait, d'intérêt. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités. Donc, ce qui est fait assez classiquement en sciences humaines, c'est donc d'essayer de prendre un échantillon représentatif de la population. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode assez classique des quotas, donc qui va nous permettre en fait, de pouvoir faire d'obtenir des résultats qui sont censés être représentatifs de la population. Mais ce qui va être utilisé dans les expériences de psychologie notamment, c'est pas tant des échantillons représentatifs que des échantillons qui sont divers. Donc avec l'idée qu'on ne va pas forcément faire on va pas avoir des résultats qui sont représentatifs de ce que pense la population française, mais on va avoir des résultats qui sont statistiquement valides et qui vont nous indiquer l'effet d'une variable, par exemple, sur le comportement. Et donc ça, c'est une différence assez notable entre les deux approches. Ça n'empêche pas de faire, après tout, de valider les résultats sur des échantillons représentatifs si on veut avoir une idée de ce que fait, la façon dont se comporte la population française dans notre expérience. Mais l'approche qui est la plus classique dans les méthodes expérimentales et des méthodes comportementales, c'est vraiment de regarder des échantillons en essayant d'être divers, bien sûr, et donc d'avoir des caractéristiques qui nous permettent de répondre à notre question de recherche. Donc, comme je disais, si on s'intéresse à l'influence de la précarité sur le comportement, on ne va pas tester que des participants qui vont à l'université, mais donc on essaie d'être divers, mais pas forcément représentatif, et en essayant d'avoir un échantillon suffisamment large pour avoir assez de puissance statistique. Donc, si vous vous intéressez à la littérature en psychologie, vous allez voir que beaucoup d'études ont été faites sur des échantillons assez réduits, en fait, jusqu'à 2010. Donc, c'était 20 à 30 participants, disons. Donc, à la fois assez réduit en taille, mais aussi assez réduit dans la diversité, que c'était 20 à 30 participants qui étaient des étudiants en psychologie. L'idée, c'était que avant, on avait cette hypothèse que c'était vrai dans le cerveau humain, devait être vrai dans tous les cerveaux humains, en fait. C'était que c'était une seule espèce, et donc ce qui était vrai chez les étudiants en psychologie devait être vrai dans le reste de la population. Donc, on n'avait pas vraiment forcément d'intérêt en tout cas, de mesure de la diversité des réponses en fonction des caractéristiques sociodémographiques, socio-économiques, etc. Donc, ça, maintenant, c'est un peu révisé, aussi au niveau de pigeons statistiques. Donc, maintenant, on est plutôt sur des échantillons qui sont au minimum de 50 à 60 personnes et en essayant d'aller jusqu'à 200 personnes pour avoir des résultats qui sont statistiquement plus valides, avec notamment l'idée que les corrélations vont se stabiliser autour de 200, N de 200. Donc, on va avoir des échantillons qui sont un peu plus larges. Donc, la question, c'est vraiment, est-ce que... La plupart des expériences de psychologie comportementale n'essayent pas d'avoir une photographie de ce que pense toute la population française, mais vraiment de tester l'influence d'une variable sur le comportement de participants. Et donc là, voilà, on va prendre des échantillons assez larges, des échantillons assez divers, mais pas forcément représentatifs. Donc c'est vraiment dépendant de la question de recherche. Alors, donc là aussi, en fait, la diversité et l'inclusion de différentes caractéristiques sociodémographiques va dépendre de la question de recherche, puisque si vous êtes intéressé par une population précisément, là aussi, ce n'est pas forcément intéressant de prendre un échantillon représentatif. Donc, c'est vrai que la taille de l'échantillon ne garantit pas la validité statistique, ça dépend des caractéristiques de l'expérience aussi. L'idée, c'était vraiment de prendre quand même des tailles d'échantillons qui soient suffisamment importantes pour avoir de la puissance statistique, mais de les compléter, et notamment de compléter la validité statistique qu'on peut insérer à partir de tailles d'échantillons par la réplication des expériences sur des échantillons qui sont autres, donc afin de pouvoir être sûr d'avoir des indices de validité des résultats. Donc, troisième point, qui est l'organisation de l'expérience. Et donc, parce que voilà, maintenant, on a plein d'éléments et il va falloir arranger tout ça pour que ça fasse une expérience. Et donc, la structure générale de l'expérience. La première question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce qu'on est intéressé par une décision ou plusieurs décisions? Donc, ça, c'est vraiment une question qui dépend de votre question de recherche. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir, on a plusieurs types de design. On va avoir un design qu'on va appeler un design par essai, où on va donc répéter, donc on va avoir donc plusieurs essais et qu'on va faire passer. Donc, par exemple, on va avoir deux conditions. Une condition où on va demander aux participants, donc si on reprend les questions d'évaluation à partir des visages, à quel point cette personne a l'air digne de confiance, et une autre, à quel point cette personne a l'air compétente. Donc, on a ces deux choses qu'on va faire varier. Et donc, on va mélanger en fait les essais. Et donc, parfois, il va devoir répondre plusieurs fois. À certains coups, il va devoir répondre est-ce que la personne a l'air digne de confiance, et à d'autres essais, à quel point elle a l'air compétente, et puis après, à nouveau, à quel point elle a l'air digne de confiance. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle un design par bloc. Donc, on va poser plusieurs fois, à la suite, à quel point cette personne a l'air digne de confiance. Donc, toutes ces questions-là. Et puis après, on va faire un deuxième bloc, on va poser à la suite toutes les questions, à quel point cette personne a l'air compétente. Donc, en fait, c'est deux grands deux grands types de design auxquels on va devoir réfléchir. Et ça, c'est le cas d'un design qu'on appelle intra-sujet. Donc, c'est en fait, chaque participant va être dans toutes les conditions. L'intérêt, c'est que là aussi, en fait, on va augmenter la fiabilité de nos résultats puisque on va regarder l'effet de la condition au sein de chaque participant. Donc, ça va limiter les possibilités que, en fait, les différences entre les conditions soient dues à des différences d'échantillons. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et donc, dans ces cas-là, on a des designs interparticipants, c'est-à-dire que un groupe de participants va répondre, par exemple, à toutes les questions, à quel point cette personne a l'air digne de confiance, et un autre groupe de participants va répondre à toutes les questions, à quel point cette personne a l'air compétente. Donc, c'est vraiment en fonction de... Enfin, si c'est possible, l'idée, c'est que si c'est possible, on dit qu'il vaut mieux un design intra-sujet, mais que voilà, parfois, ce n'est pas possible. Mais donc, on a des designs interparticipants. C'est le cas notamment quand la réponse à un type de question va influencer très fortement la réponse à l'autre type de question. Ou quand on veut vraiment présenter de l'information au début de l'expérience et que ça va créer un trop gros biais si après on fait une deuxième série, on présente une autre information. Donc là, il vaut mieux un design interparticipant. Donc, les deux types de design intraparticipant, donc le design par essai, l'avantage, c'est qu'on va avoir plusieurs mesures pour chaque participant et on ne va pas avoir de possibilité de préparation de la réponse puisque le participant ne va pas savoir s'il va devoir répondre à la question A ou à la question B au début de chaque essai. Donc ça, c'est l'un des avantages, c'est qu'il ne va pas se mettre dans un mode « bon, bah, maintenant, je réponds toujours oui » ou « maintenant, je réponds toujours non ». L'inconvénient, c'est que c'est assez difficile, en fait, puisqu'il va devoir répondre à des questions différentes à chaque coup, et donc ça peut créer de la confusion. Ça augmente le risque que le participant réponde un petit peu au hasard. Donc, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Donc, ça peut être intéressant, mais comme ça peut être avoir plusieurs inconvénients. Et une chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien sûr la randomisation des essais, puisque la réponse à l'essai 1 peut influencer la réponse à l'essai 2. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'entre les participants, on randomise les essais pour limiter ces effets d'influence d'une question sur l'autre. Donc là aussi, idéalement, c'est une randomisation parfaite qui est faite, mais en réalité, parfois, ce n'est pas possible puisqu'il va y avoir des essais qui ne peuvent pas se suivre parce qu'ils sont trop similaires ou parce qu'ils sont trop différents. Et donc, dans ces cas-là, on utilise des pseudo-randomisations, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que chaque participant voit les essais dans un ordre différent pour qu'au niveau de l'échantillon, on limite ces effets d'influence. Alors, le design par bloc, maintenant. On a d'abord tous les essais d'un premier type, puis tous les essais d'un deuxième type. L'avantage, c'est qu'on va avoir plusieurs mesures pour chaque participant, donc là, parce que c'est encore un design intra-sujet, et que ça va être extrêmement clair pour les participants. Au début de chaque bloc, on leur dit, bon, bah, maintenant, vous allez répondre à des questions sur les perceptions de la confiance, et donc là, ils vont répondre à toutes les questions. Puis après, une fois qu'ils ont fini, on leur dit, bon, maintenant, vous allez répondre sur perception de la dominance. Donc là, ils ont toutes les autres réponses. L'inconvénient, c'est que vraiment, ils peuvent préparer leur réponse. C'est-à-dire qu'ils savent vraiment, d'un essai sur l'autre, quelles questions on va leur poser. Et donc, ils peuvent se dire, bon, bah, maintenant, je réponds toujours oui. Et donc là, ça peut être lié à des biais, notamment de désirabilité sociale. Donc, voilà, il faut faire attention par rapport à l'interprétabilité des résultats. Et là encore, ce dont il faut faire attention, c'est à la fois la randomisation des essais au sein des blocs, mais aussi la randomisation des blocs entre eux. Puisque le bloc 1, répondre à un type de question, peut influencer les réponses à un autre type de question. Donc, voilà, on a quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et là encore, il faut garder à l'esprit que les blocs entre eux peuvent ne pas être complètement randomisables. Donc, peut-être que la réponse au bloc 1 va complètement influencer la réponse au bloc 2. Et donc, du coup, on ne peut jamais présenter vraiment le bloc 1 avant le bloc 2. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Le dernier type de design, c'est bien sûr donc, le design interparticipant. L'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout de contamination des conditions. Donc, les réponses 1 et les réponses 2 sont complètement séparées. L'inconvénient, c'est que donc on a une seule mesure par participant, donc ça nécessite d'augmenter la taille de l'échantillon et voilà, ça peut être aussi ça peut poser problème pour des questions logistiques et des questions financières aussi, donc c'est une chose à prendre en compte. Il faut donc aussi être sûr que les échantillons qui vont voir les différentes conditions sont vraiment comparables. Et donc une chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien sûr là encore la randomisation des conditions. Et être sûr que, en fait, on n'a pas qu'un type de participant qui va avoir la condition 1 et un autre type de participant qui va avoir la condition 2, puisqu'on ne pourra rien déduire dans ce cas-là de la comparaison des conditions 1 et 2, puisque ça peut être complètement dû aux différences d'échantillons. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les points que je voulais aborder sur, sur les questions de design expérimental. Je voulais utiliser les quelques minutes qui me restent pour juste parler des sciences cognitives en elles-mêmes, puisque là encore, quelque chose dont tout le monde parle et qui est rarement défini. Donc en fait, les sciences comportementales et les sciences cognitives sont donc vraiment partout. En fait, maintenant, on entend donc non seulement dans les sciences humaines, mais elles envahissent un petit peu l'ensemble des domaines de la vie, du marketing à l'éthique, à la loi, au développement personnel et bien sûr donc dans le monde de la recherche. Et donc, je pense que c'est assez important dans ce cadre-là de définir ce que c'est que les sciences cognitives. Donc, les sciences cognitives, c'est vraiment donc l'étude de l'esprit et des comportements, mais en fait, avec une approche centrée sur les processus. Avec l'idée que, en fait, par rapport peut-être à ce qui peut se faire dans les autres approches de psychologie, où on va avoir étudier comment le contexte influence le comportement, et on va avoir une sorte de boîte noire au milieu où on peut quand même inclure des traits de personnalité, mais pas vraiment des mécanismes précis. Les sciences cognitives, elles, vont vraiment essayer de comprendre les mécanismes à l'intérieur de cette boîte noire et de voir comment l'information est traitée, quels facteurs vont influencer le traitement de l'information pour donner lieu à des comportements précis. Et donc ça, c'est vraiment la façon dont les sciences cognitives vont se distinguer en fait, des autres études liées notamment à la psychologie. Avec cette idée, enfin, au tout début, à l'origine, les sciences cognitives ont une approche très algorithmique en fait, du comportement. Donc c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit, puisque c'est un peu l'originalité et ce qui fait l'intérêt de ce type de science-là. Donc, ce n'est pas juste poser des questions sous IRM, en fait. C'est plus intéressant. Donc, il y a vraiment, en fait, l'idée de dissection derrière, donc avec vraiment pour comprendre, en fait, quels sont les modules, quels sont les mécanismes, comment ils réagissent. Et donc là où on a l'approche expérimentale qui va être intéressante pour regarder comment chaque mécanisme répond à différentes stimulations pour essayer d'en comprendre leur fonctionnement. Donc, il y a vraiment une analogie avec la recherche médicale et la façon dont on a compris le fonctionnement du corps humain et la physiologie. Bien, les sciences cognitives vont essayer de faire pareil pour le comportement. Comme je disais, ça peut être intéressant en soi, moi c'est ce qui m'intéresse, mais ça peut être aussi un cadre qui est intéressant pour comprendre certains processus et pour la mise en place de design expérimentaux. Donc ça, c'est juste pour résumer l'idée de ressources cognitives qui est pour moi quelque chose d'intéressant. À la fois pour comprendre pourquoi certains comportements peuvent apparaître dans certaines situations, mais aussi quand on pense à un design expérimental pour savoir quel type de comportement on va mesurer. Donc si on considère un individu qui voit donc, un stimulus appétitif, qui est un gâteau ici, la réponse spontanée de cet individu à la question « que dois-je faire face à ce stimulus qui arrive devant moi ?» ça va être de manger le gâteau. Donc ça, c'est vraiment la réponse automatique. Et puis après, on peut avoir des mécanismes supplémentaires, comme je vous disais, de contrôle cognitif, où là, l'individu se pense « Ah non, mais attention, je suis au régime, je ne dois pas manger le gâteau. » Donc on va avoir ce processus de contrôle cognitif qui va inhiber la réponse automatique et qui va permettre l'arrivée d'une réponse non automatique qui est « Ne mange pas le gâteau. Voilà, ne le fais pas. » Et donc la question de comment ces réponses automatiques sont déclenchées, une question intéressante donc, je disais, pour les designs expérimentaux, mais aussi pour comprendre les situations dans lesquelles les individus vont se comporter d'une certaine façon. Puisqu'en fait, le contrôle cognitif, ça va demander du temps et de l'énergie, puisque c'est un mécanisme additionnel qui nécessite donc à la fois de traiter le stimulus, de trouver la réponse appropriée et d'inhiber la réponse automatique. Et donc, en fait, dans les situations où l'individu va manquer de temps ou d'énergie, ce mécanisme ne va pas pouvoir se mettre en place. Donc, typiquement, quand on est fatigué, en fait, on a beaucoup plus de mal à réfréner nos envies. Et en fait, dans des situations où les individus vont être stressés, ils vont aussi avoir plus de mal à contrôler leur comportement, à inhiber leur réponse automatique pour avoir une réponse plus réfléchie. Et donc, ça permet aussi de comprendre pourquoi, dans certaines situations, on va avoir des comportements qui peuvent être des comportements qui ne sont pas désirables, des comportements qui peuvent être préjudiciables chez des individus qui, pourtant, explicitement, ne vont pas exprimer ce type d'opinion, ce type d'attitude. Puisque, en fait, voilà, la notion de contrôle cognitif et cette notion algorithmique peut être intéressante pour expliquer ça. Donc, voilà, ça, c'est un exemple précis. On peut penser à d'autres types d'exemples pour utiliser en fait, l'idée de mécanisme cognitif pour comprendre le comportement humain. Je serais très contente d'en discuter avec vous. Je n'ai pas fait de choses sur l'approche évolutionnaire. Pour moi, ça allait peut-être un peu trop loin, mais je serais aussi très contente d'en parler lors des questions. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci, super. Merci beaucoup. C'est super, on a beaucoup de matière. Et donc, du coup, je confirme, tu arrives absolument à qu'on compresse 12 heures de séminaire en 1h30. Non, c'est une blague. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à déballer. J'ai pas l'habitude de faire on ne fait pas de discussion à proprement parler au médecin. Donc, s'il y a des questions, alors là, voilà, je sais pas, je pense que le plus simple, c'est peut-être que, enfin, si tu dois faire référence au slide, c'est bien de le garder. Mais en même temps, si des gens veulent poser des questions, c'est bien de voir les visages. Là, s'il y a des questions, n'hésitez pas une seconde, allez-y, c'est le moment. Je parle à tout le monde. Est-ce qu'il faudrait que je commence? Il y a plein de choses. Après, j'ai eu la chance d'en discuter. Enfin, j'ai la chance de pouvoir en discuter avec toi très souvent, puisqu'on partage finalement notre bureau. Il y a un truc qui m'a fait, il y a plein de trucs qui m'ont fait tilt, hein, mais il y a quelque chose qui m'a, à un moment donné, tu poses la question écrite morcellement, où do you define yourself as racist? Je pense que tu vois à quoi je fais référence. Il y a beaucoup d'expériences il y a une petite opposition dans ta présentation qui est intéressante et que tu utilises un peu comme un levier entre les questionnaires, par exemple, comme en tant que méthode plus traditionnelle de surveying des sciences sociales, quoi. Et les méthodes expérimentales. Et je voulais prendre la batterie de questions sur le populisme d'Ackermann 2014, je pense, en 6 items, donc qui essaye de toucher un peu ce sujet-là du racisme, en tout cas du populisme. Cette expérience-là de Ackermann, ces 6 questions-là, elles sont en fait en quelque sorte à mi-chemin entre de l'expérience et comportementale et du questionnaire. Et donc, ma question, c'était une forme, enfin, c'est un peu ouvert, hein. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une sorte de continuum entre les méthodes très qualitatives, disons, et des méthodes très expérimentales? Et qu'est-ce qui définit ce continuum-là? Parce que dans la manière dont tu l'as présenté, donc là, le slide qu'on a sous les yeux, il y a le terme explicite qui ressort. Et est-ce que l'explicité, je ne connais pas le nom lié à l'adjectif, est-ce que le caractère explicite est une de ses composantes? Est-ce que finalement une expérience, donc les méthodes expérimentales, c'est forcément quelque chose de moins explicite? Est-ce que ce qu'on cherche à obtenir, c'est une chose qui soit absolument implicite? Je pense que c'est l'une des dimensions sur lesquelles ça peut varier, mais ce n'est pas forcément la seule. C'est-à-dire qu'avec les méthodes expérimentales, on va pouvoir faire des choses qui sont plus, enfin, mesurer des choses qui sont plus implicites. Mais en fait, on peut avoir des méthodes appliquer les méthodes expérimentales pour mesurer des choses qui sont complètement explicites. Je pense que vraiment, un élément clé, c'est vraiment l'idée qu'on va faire varier des conditions et regarder comment le comportement va changer en fonction de ces conditions-là. C'est vraiment la méthode expérimentale de base de Claude Bernard, etc. C'est vraiment l'idée, on a plusieurs conditions et puis on regarde comment le processus ou le comportement varie en fonction de ces conditions. Donc pour moi c'est ça. Après, on peut l'utiliser justement pour mesurer des choses explicites, pour mesurer des choses implicites. Ce qui est intéressant dans les questionnaires qui sont donc en effet un peu à mi-chemin, puisqu'on a plusieurs fois des questions qui se rapprochent pour mesurer une seule chose. Ce qui est important, c'est en fait, dans les questionnaires, une fois que le questionnaire est fini, on ne va jamais changer l'ordre des questions. C'est quelque chose qui est censé, qui est stable en fait, puisque le questionnaire il est figé et il doit être utilisé dans cette forme-là. Ouais. puisque justement, on sait que les questions peuvent s'influencer les unes les autres. Donc, en fait, c'est défini comme ça. Alors que quand on va construire une expérience, on va essayer, au contraire, de randomiser l'ordre des essais pour limiter l'effet des essais les uns par rapport aux autres. Mais en fait, pour moi, il y a vraiment une continuité entre les deux. On va, en fait, mon point de vue, c'est que dans l'approche expérimentale, on a à la fois cette notion donc, de condition qui va varier et regarder l'effet sur un comportement, donc qui est vraiment la base. Et puis après, on peut utiliser aussi les méthodes pour mesurer les choix, pour essayer de comprendre, pour avoir un autre type de mesure ou une autre approche par rapport à une question explicite. Donc, par exemple, me demander plusieurs fois laquelle de ces deux personnes est la plus compétente dans cette question-là, ça va nous permettre d'avoir une mesure pas forcément plus fine, mais un peu différente des biais racistes que le poser en une seule question ou poser en une série de questions explicites, pas explicites, mais vraiment oui, non. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer d'approcher le comportement aussi d'une autre façon pour avoir des éclairages complémentaires. Bon, merci. Il y a d'autres questions, j'aimerais en discuter, mais en même temps, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un accès à toi bien plus simple que les autres. Il y a une question de Jean, qui lui aussi est finalement un accès assez simple à toi, mais pourtant. Du coup, Jean, oui, bonjour, merci Lou. Alors, effectivement, l'accès était plus simple quand on pouvait se voir tous les jours au bureau. Là, depuis un an et demi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je profite de ta présence. D'abord, tu nous as vraiment expliqué par le menu détail ce qu'était la conception des sciences expérimentales et de la psycho-comportementale. Ça m'intéressait énormément. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de gens dans ce domaine tout au long de ma carrière. Et bon, moi, j'ai deux questions. Une assez générale, finalement, et puis une un peu plus précise. La question générale consiste à placer les sciences comportementales dans le cadre de la psychologie. Et comment insérer les résultats de ce que tu trouves, par exemple, sur la confiance plus facilement accordée aux femmes qu'aux hommes, sur finalement le dégoût et la colère, comment insérer ces résultats dans un protocole plus large qui induirait d'autres types méthodologiques? Ça, donc c'est l'insertion des sciences psycho-comportementales dans un processus de recherche un peu plus large. Et la deuxième question, je la pose tout de suite, c'est évidemment question sur la réplication. Alors là, je prends ma casquette un peu de statisticien, je suis désolé. Et voilà, en fait, tu as énormément de paramètres. Ce que tu appelles les conditions, c'est ce qu'on appelle en stats des tableaux de présence-absence ou disjonctifs complets. Okay? Et effectivement, ces deux puissances N, donc c'est absolument énorme. On dit en statistique qu'un effectif suffisant pour analyser ce type de tableau, c'est 2 individus par rapport au nombre de conditions. 2 individus. Mmh. Évidemment, en psycho, on est très très loin de ça. Et en médecine également. C'est pour ça qu'ils ont inventé ce qu'on appelle les plans d'expérience. Mmh. Alors, question, est-ce que ce que vous faites en psycho-comportemental, en expérimentation, s'approche de ce qu'en statistique on appelle les plans d'expérience? Je ne l'ai pas vu, mais peut-être que j'ai mal vu. Et deuxième question, un peu de détail, c'est dans la réplication, vu le nombre de paramètres, tu utilises d'abord un corpus d'individus à qui vous allez poser effectivement un protocole donné, et puis pour répliquer, vous allez utiliser un deuxième ou un troisième ou un quatrième panel d'individus. Mais est-ce que ces individus ont les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'ils ont la même sensibilité aux variables d'intérêt? Est-ce qu'ils ont les mêmes niveaux d'études? Tu vois, ça aussi, ça va influer énormément sur le résultat, normalement. Voilà, ça, c'est mes questions. Je vais commencer par la deuxième question, puisque c'est plus technique. Moi, je suis tout à fait d'accord que ça explose le nombre de conditions. Donc, c'est pour ça que, en psycho, normalement, on essaye, en sciences cognitives, de limiter, donc d'essayer d'avoir une variable qui varie à la fois, voire 2 maximum, mais pas plus, justement pour pas avoir des échantillons gigantesques. Donc, mais voilà, en fait, pour moi, c'était quelque chose d'important à rappeler, parce que quand on se lance dans une expérimentation, souvent on a envie de tester plein de choses et statistiquement c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ça demanderait des moyens extraordinaires. Et donc du coup, en effet, donc ce qui est fait donc depuis la crise de la réplicabilité, c'est de faire donc des pre-registration, mais c'est des plans d'analyse en fait où est détaillé à la fois l'hypothèse, les résultats attendus, et puis bah voilà, l'échantillon qui va être testé, les tests statistiques qui vont être faits, cette notion justement de résultat contrôle. Est-ce que, quels critères on va prendre pour dire que l'expérience a marché indépendamment des résultats attendus? Donc ça, c'est quelque chose qui est fait maintenant en routine, je dirais, et de plus en plus de journaux demandent de l'avoir fait pour pouvoir publier. Et après, sur la réplication, ben en effet, en fait, ça va dépendre de plein de variables. Enfin, les résultats peuvent dépendre de plein de variables. Donc, en fait, ce qui va être important, c'est à quel point on s'attend à ce que ce soit, par exemple, un mécanisme psychologique qui va être partagé par l'ensemble de la population, ne serait-ce que française, par exemple. Et donc, que indépendamment du niveau d'éducation, par exemple, des participants, on devrait retrouver ce résultat, même si peut-être à des effets un peu moindres, mais statistiquement, on devrait avoir cet effet. Ou est-ce qu'on pense que c'est quelque chose de très spécifique à une population, et dans ce cas-là, on doit répliquer sur un échantillon qui fait partie de cette population-là. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on sait que ce qui peut jouer, c'est aussi des biais, un hasard statistique pur, et que ou même des composantes, des variables cachées de l'échantillon, et donc il faut tester sur même ne serait-ce qu'un autre échantillon comparable sur les variables qu'on pense importantes pour voir si le résultat est stable au moins au sein de ce type d'échantillon-là. Mais oui, je suis d'accord. Après, sur comment intégrer ça, c'est une question qui est un peu plus large. Je pense que la meilleure façon d'intégrer les sciences cognitives, mais bon, c'est mon point de vue, c'est c'est comme, enfin, pour moi, ça va dans les deux sens, en fait, c'est de s'informer sur les résultats qui sont issus des sciences cognitives, et ça peut être inclus sur, après, dans n'importe quel protocole de recherche en sciences humaines, par exemple, si on sait que voilà, les participants, d'après les études cognitives, les gens ont tendance à se conformer ou avoir par exemple un très fort sentiment d'affiliation à un groupe, même si ce groupe est complètement artificiel et aléatoire, et que ça peut complètement biaiser leur comportement. Ça peut être des choses qui peuvent être incluses dans des observations ou dans des entretiens ou dans des questionnaires classiques. Enfin, pour moi, c'est pas du tout. On ne doit pas forcément inclure des expériences de sciences cognitives pour utiliser les sciences cognitives. Ce n'est même pas forcément, d'après moi, la façon la plus intéressante de faire les choses. Comme je pense que c'est intéressant pour les chercheurs en sciences cognitives qui s'intéressent aux questions de comportement politique ou aux questions de comportement sexuel ou comportement vis-à-vis de la santé, de se renseigner sur ce qui a été fait dans les autres domaines qui se sont intéressés à ces comportements-là. Donc pour les comportements politiques, aux sciences politiques, pour voir quelles variables peuvent être intéressantes à inclure dans les expériences pour un peu approfondir en fait ce qu'on sait. Donc c'est pour moi plus un dialogue que vraiment une inclusion de l'un dans l'autre. Voilà. Merci. Après, il y avait des questions par écrit aussi. Ouais, trois questions par écrit, je peux les lire. Enfin, je peux les lire. Célia pose une question et elle dit donc merci pour cette présentation. Ma question, c'est comment lire et étudier les articles qui concluent sur des résultats totalement contradictoires? Comment le fait de trouver un effet statistique et l'effet inverse dans une autre étude? Est-ce que Célia, tu n'hésites pas à activer ton micro, préciser ta question? Je ne sais pas, Lou, si tu veux. J'ai bien compris, c'est le fait que différents articles peuvent conclure des choses complètement opposées et trouver des choses complètement différentes, et un peu comment faire le tri là-dedans. Bonjour. Bonjour. Super. Alors oui, c'est ça. C'est parfois on trouve il y a des articles qui vont rapporter un effet et d'autres articles qui vont dire qu'il y a l'effet inverse. Et pourtant, les expériences sont presque similaires. Donc, c'est ce genre de choses qui posent des problèmes. C'est vrai que ça peut poser problème. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, quand on s'intéresse aux sciences cognitives sans en faire vraiment ou sans vouloir forcément aller trop en profondeur, l'une des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est plus les méta-analyses. Donc, ça se développe beaucoup. Ça aussi, ça vient de la médecine parce qu'en fait, y a aussi du hasard statistique et donc il peut faire que un chercheur trouve quelque chose et puis le chercheur d'après qui reprend exactement le même protocole expérimental va trouver l'opposé ou va pas trouver d'effet. Et en fait, il y a des raisons statistiques. En fait, ça veut pas dire que l'effet est là ou l'effet est pas là. En fait, c'est pour ça qu'il faut pas répliquer. Et justement, les méta-analyses, elles vont agréger l'ensemble des résultats qui ont été publiés sur cet effet-là, corriger pour des biais de publication, parce qu'on sait que s'il y a un résultat, c'est plus facile à publier que quand il n'y en a pas. Et permettre d'avoir une vision un peu intégrée de tout ça. Donc ça, c'est ma première réponse. Et après, en fait, c'est lié à la question de Jean aussi. C'est-à-dire que pour regarder vraiment, enfin, si on veut comprendre pourquoi ça marche dans un cas et pas dans l'autre, alors ça peut être juste un effet statistique, mais ça peut être aussi des effets assez fins, puisqu'en fait, l'inconvénient en fait, de ces protocoles expérimentaux, c'est qu'ils peuvent être sensibles à des conditions très, très, à des variables très petites, en fait. Donc ça peut être des différences dans les échantillons ou des différences dans les stimuli qui sont présentés. Dans un cas, c'était des photos en couleur et dans l'autre, c'était des photos en noir et blanc. Et donc, en fait, quand c'est en noir et blanc, ça ne marche pas, mais quand c'est en couleur, ça marche. Ou quand c'est de profil, ça ne marche pas. Et quand c'est des photos de face, ça marche. Enfin, je fais un peu je grossis un peu le trait, mais ça peut être des choses comme ça. Donc là aussi, en fait, c'est essayer d'aller dans les méthodes pour comprendre ce qui peut varier entre les deux. Et à partir de ce qu'on a pu identifier comme variable qui peut faire que ça marche ou pas, questionner la fiabilité, la robustesse des résultats, puisqu'en fait, si c'est un micro-élément qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, peut-être que ça veut dire que le résultat n'est pas si robuste, que ce n'est pas vraiment un effet psychologique, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en évidence des effets psychologiques et pas juste des effets d'expérience. Donc, ce n'est pas un effet psychologique intéressant et qu'en fait, c'est juste que quand on met un participant dans une condition extrêmement précise, il va réagir de cette façon-là, mais ça ne nous informe pas forcément sur son comportement dans la vie réelle. Donc, il y a un peu ces deux choses. Regardez les méta-analyses, si on veut avoir le travail qui est un peu déjà tout fait, et puis d'analyse statistique pour corriger pour ces biais-là. Et puis, regarder en détail les méthodes pour voir si quelle variable peut expliquer ces différences de résultats. Et est-ce que c'est des variables qui font sens? Et oui, en fait, quand on change cette grosse dimension de l'expérience, ça va changer le comportement et ça peut complètement rationaliser. Ou est-ce que ça indique que quand on trouve un résultat, c'est vraiment juste quelque chose d'artificiel et ça ne nous apprend pas beaucoup sur le comportement des gens? Voilà. Merci. Alors. Vous parliez de la crise de la réplicabilité. Pourriez-vous développer sur l'état actuel de la recherche? OK. Par exemple, quel pourcentage des résultats jusqu'à 2010 est-on à présent capable de valider infirmer? C'est quand même très précis comme méta-analyse, du coup, puisque c'est comme ça. Ça, je ne pourrais pas dire. L'état actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches ouvertes. Donc on a donc à la fois les pre-registration donc qui sont les plans d'analyse publiés avant les expériences, maintenant les scripts d'analyse sont mis en ligne, les données sont mises en ligne, donc à la fois ça permet d'augmenter la fiabilité des résultats puisque ça arrivait dans certains cas que les résultats pas réplicables étaient liés à des mauvaises pratiques assez flagrantes. Mais aussi, en fait, ça peut aussi être juste lié à des erreurs de script ou voilà, donc ça permet d'augmenter dans ce cadre-là. Et puis, ça permet aussi de faciliter les protocoles de recherche, puisque maintenant, on peut se dire aussi, bah, je vais analyser des données qui ont déjà été publiées par d'autres équipes de recherche, mais moi, je m'intéresse à une autre dimension qu'ils n'ont pas regardée, et ça va me donner une base pour mes recherches futures. Donc, je ne pourrais pas dire le pourcentage de travaux qui sont maintenant vraiment réplicables. Je pense que ça va mieux. Je pense qu'en tout cas, ça a permis de faire avancer le champ de façon assez constructive sur ces choses-là et sur l'ouverture de la recherche. Donc voilà, donc je pense que c'est plus fiable qu'avant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu d'analyse pour voir à quel point on a progressé ou pas. Anne, je n'hésite pas hein, s'il y a besoin de préciser la question ou de rebondir dessus, à activer micro-caméra. Vous êtes tous les bienvenus. Bonjour, du coup j'ai activé mon micro. Bonjour à tous les deux et à tous. Merci beaucoup de votre réponse. Oui, je suis consciente que la question était très spécifique, mais c'est vrai que moi, ça, voilà, c'est un sujet qui apparemment nous intéresse tous, cette question de la réplicabilité au vu des questions qui ont été posées. J'avais une autre question. Vous avez pris comme exemple au moins une fois lors de votre présentation les ressources cognitives. Il me semblait qu'il y avait eu un débat sur cette question, c'est-à-dire de savoir si la cognitive depletion était un vrai phénomène ou pas, justement. Et je ne sais pas où on en est de ça. Oui, c'est un débat. Et en effet, en fait, avec le willpower, etc., enfin, c'est un champ qui est assez débattu là-dessus. Après, sur donc en fait, il y a l'idée que il y a un champ d'études sur cognitive depletion qui est assez débattu, ça je suis d'accord. Après, sur l'idée que les mécanismes cognitifs peuvent s'ajouter et que en fait, dans des états de fatigue, les gens ont un peu moins de ressources cognitives, ou que si on leur fait faire plusieurs tâches en parallèle, en fait, ils vont être moins capables d'inhiber des réponses si on leur demande d'inhiber des réponses en plus. Ça, c'est des choses qui ne sont pas débattues. En fait, ce qui a été débattu, c'est un peu le framing d'un ensemble d'études. Alors, je ne les connais pas bien parce que, en fait, je n'ai jamais été dans des équipes qui adhéraient trop aux questions de willpower, etc. Donc, c'est... Donc, voilà, je suis un peu naïve là-dessus, mais je sais que ça a été débattu. Après, l'utiliser en tant qu'outil expérimental et vraiment de façon très très basique, c'est-à-dire quand on rajoute une pression temporelle, les réponses sont plus automatiques, ou quand on fait une double tâche, les réponses sont plus automatiques, parce que on peut pas s'engager non plus dans un nombre infini de processus cognitifs. Ça, c'est pas débattu en fait. Donc, il y a un truc assez spécifique, willpower and cognitive depletion, qui est débattu, mais pas le truc très, très basique comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Il y a effectivement beaucoup d'intérêt sur la question de la réplicabilité. Hein. Nadine, dans le chat, demande si on peut, en général, parler de réplicabilité quand on bosse sur l'humain. L'idée, c'est ce qu'on va faire avec les méthodes expérimentales, c'est qu'on va essayer de vraiment extraire que certaines variables du comportement. Donc, en fait, il y a aussi cette conscience qu'on regarde vraiment une toute petite composante du comportement et que, par exemple, on va mesurer les temps de réaction, on va mesurer les réponses. Et donc, ça, c'est vraiment micro-composante, mais c'est vraiment cette micro-composante-là qu'on va regarder. Et dans ce cadre-là, on peut regarder si l'effet de notre condition coopération versus compétition, par exemple, sur est-ce que les gens répondent plutôt oui ou non quand on leur montre un visage et qu'on leur demande est-ce que cette personne a l'air digne de confiance. Ça, on peut le répliquer parce que voilà, c'est vraiment une analyse très, très réduite du comportement. Alors, pourquoi elle est quand même intéressante? Parce qu'elle va vraiment nous permettre de regarder l'effet de la variable X sur le comportement Y, même si le comportement Y est réduit à sa plus simple expression. Mais ça va permettre d'informer des comportements réels, notamment en intégrant ces résultats-là à des études un peu plus complexes, les tester en situation réelle, ou est-ce que dans les entretiens, est-ce que c'est des choses qu'on peut intégrer, etc. Mais oui, enfin, à partir du moment où on regarde quelque chose de très, très réduit, je pense qu'on peut parler de réplicabilité, même si les gens, même les participants au sein d'expérience, ne se comportent pas exactement pareil. La variable qu'on va extraire est comparable entre participants. Donc, on réduit le comportement beaucoup. Nadine, je ne sais pas si tu veux compléter ou pas. Oui, non, c'est une question que je me pose parce que dans notre laboratoire, on travaille beaucoup sur l'apprentissage humain. Mmh. Et l'apprentissage humain, justement, on le fait en pleine classe, quoi. Donc, ça fait des salles de 20, enfin, pas même de plusieurs études, enfin, plus d'étudiants que ça. Et c'est vrai que du coup, on ne peut pas se positionner en tant que chercheur, donc sur la réplicabilité, ce qui nous est beaucoup reproché d'ailleurs, hein, au passage. Mais oui. Quand on veut travailler dans une approche systémique, c'est absolument impossible, quoi, de répliquer les choses. Donc, la solution qu'on a, je ne sais pas si mais vous l'avez évoqué en fait, hein, c'est-à-dire quelque part, la solution que nous, c'est vraiment de tracer notre recherche, quoi. Oui, voilà. Après, à partir du moment, et en fait, je pense que la réplicabilité, c'est une façon de s'assurer de la robustesse. Le fait de faire des pre-registration plans et de décrire en fait ce qu'on va mesurer avant de faire l'expérience et de se tenir à ce plan-là, c'est une façon de s'assurer aussi de la robustesse. C'est vrai que la réplicabilité, c'est pas le truc ultime. C'est intéressant de se demander si on peut réfléchir à des variables précises à mesurer et qui pourraient être répliquées. C'est-à-dire, l'effet qu'on attend, c'est que quelle que soit la classe ou même le protocole précis, on s'attend à ce que on ait une augmentation de telle réponse, ou que telle réponse soit faite plus rapidement, ou que les participants fassent telle chose de façon on préfère telle option à telle autre. Là, on peut voir une réplication, mais c'est vrai que dans le contenu et dans l'analyse, on va perdre aussi beaucoup de variables, hein. C'est évident qu'on va réduire beaucoup, beaucoup le comportement. Ok, merci. Donc, il y a Jean Chiche qui veut dire un mot. Oui, je voudrais juste dire un mot par... je ne sais pas si on peut pour valider... c'est l'expérimentation comportementale, mais pour dire que c'est un problème qui ne se pose pas seulement à la psycho et finalement aux chercheurs qui travaillent sur des petits nombres. L'inverse est vrai. Je ne vois pas de réplicabilité ni faite ni faisable dans les gens qui travaillent sur le big data. Tout ce qui vient des sciences numériques n'est pas réplicable. Vous avez peut-être des millions ou des millions de données que vous analysez par des algos ou du machine learning à un moment T. Au moment T plus 1, ce n'est plus la même population. Donc moi, au sens statistique, ça me permet absolument de rien conclure. Vous allez trouver des infos authentiques qui peuvent être contredites autant T plus 1, mais de toute façon, vous n'aurez pas ni les mêmes conditions d'expérience, ni les mêmes tests statistiques. Et puis, alors, quand on a des très petits nombres, c'est extrêmement difficile, comme vous le savez, de rendre les résultats significatifs en fonction de la panoplie de tests qu'on va utiliser. Mais quand on a des trop grands nombres, ça ne veut plus rien dire, strictement plus rien. Donc finalement, on est à un point aujourd'hui dans la science où on a ce problème où la réplicabilité est très difficile pour les sciences comportementales puisqu'on a trop de paramètres et trop de variables par rapport aux populations étudiées, mais on l'avait déjà en médecine. Et en médecine, avec l'analyse des plans d'expérience, ils y sont arrivés en inventant des mécanismes d'analyse de la variance. Je pense que c'est l'avenir, effectivement, pour ces types de sciences comportementales. Mais on a, je dirais, de manière encore plus flagrante, ce problème sur la data science et sur ce que nous proposent aujourd'hui les informaticiens à travers le learning et le big data. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un problème spécifique aux sciences comportementales. Au final, ces conditions de possibilité, enfin, ces conditions de réplicabilité, elles ont été inventées et développées avec les méthodes pour lesquelles elles étaient développées. Il faut les réinventer, en fait. Pour le big data, en tout cas, c'est effectivement le... Non, ces méthodes, la réplicabilité, ça vient de l'épistémologie popperienne. L'épistémologie, c'est d'épistémologie. C'est-à-dire que c'est une conception de la science qui prévaut depuis, je dirais, la fin du 19e et plus particulièrement le milieu du 20e siècle. Donc, tu vois, c'est une position plus philosophico-épistémologique de ce qu'est la bonne science aujourd'hui. Ça n'a pas été inventé pour tel ou tel type d'analyse. Hein. C'est une posture. Hein. C'est une posture, effectivement. Ouais. C'est le terme. Posture épistémologique, en fait. C'est le début de ma question. Et qui est si fondamentale et si liée à la démarche scientifique elle-même qu'elle est difficile à réinventer, puisque c'est le terme que j'ai utilisé. Ouais. Après, c'est vrai que dans l'analyse, la réplicabilité, il y a deux pendants. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le côté, si ça reflète un mécanisme psychologique qui est assez fort, on devrait pouvoir le retrouver dans un autre échantillon, avec des conditions expérimentales assez un peu différentes, puisque si ça existe, normalement, ça devrait pouvoir être mis en évidence d'une autre manière ou au moins dans un autre échantillon. Donc ça, ça, c'est une question sur l'existence du mécanisme. Et puis après, il y a un peu les ayatollahs de la réplicabilité, dont moi, je ne fais pas forcément partie, un résultat n'est pas nécessairement faux s'il n'est pas répliqué. Parce que, en fait, justement, dans la réplication, et c'était la question de la première question de Jean, c'est-à-dire que dans la réplication, on va changer plein de paramètres. Donc finalement, ça aussi, ça invite à se questionner sur l'influence de ces paramètres pour expliquer le résultat. Donc, il y a un peu les deux pendants et un équilibre à trouver entre les. Entre ce que nous apprend la réplication et la non-réplication. Et les critères qu'on met pour dire qu'un résultat est robuste, parce que par exemple, un résultat qui n'est systématiquement pas répliqué, est-ce que c'est quelque chose qui nous apprend vraiment quelque chose, enfin, c'est un résultat qui nous apprend vraiment quelque chose sur le comportement humain, ou est-ce que c'est juste un aléa statistique qui fait qu'un jour ça a été significatif, mais qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc, voilà, il y a un peu un équilibre, c'est là où où les sciences expérimentales, elles sortent pas non plus de nulle part, c'est-à-dire qu'elles doivent être fondées sur des théories. Parce que elles s'intègrent aussi dans un ensemble de preuves, elles sont faites pour tester des hypothèses. L'idée, c'est pas juste de sortir des résultats et des faits qu'on trouve en laboratoire, mais vraiment de tester des théories à l'aide de ces expériences. Donc, c'est aussi une façon de s'assurer de la robustesse des résultats. Si quelque chose sort de nulle part, on peut aussi questionner la fiabilité. Il y a une question de Charlotte dans le chat qui, je vais tout simplement la lire. Vous avez évoqué le fait que la science cognitive mesure l'humain dans sa globalité. N'y a-t-il pas de différences sociales, et donc du coup, selon les grandes variables très, très structurantes socio-démographiques, dans le comportement mesuré, par exemple, en fait, est-ce que le contrôle cognitif n'est pas lui-même dispersé socialement? En fait, de plus en plus, justement, maintenant, on regarde la diversité et la variabilité dans les comportements, notamment sur des gradients socio-économiques, sur des gradients d'âge et sur les questions de genre sont étudiées depuis longtemps, au moins en cognition sociale, mais aussi sur des traits de personnalité, par exemple, la question de contrôle cognitif. On a des moyens de mesurer de façon un peu générale est-ce que les gens s'engagent dans des mécanismes de contrôle cognitif ou pas, et il y a une diversité au sein de la population. Donc c'est vrai qu'il y a aussi là encore cet équilibre à trouver entre la généralisabilité des résultats et le côté particulier de l'échantillon. Dans mes recherches, par exemple, je m'intéresse plutôt, moi, au gradient socio-économique et à l'influence sur les comportements, notamment l'influence de la pauvreté. Mais là encore, en fait, finalement, c'est une question qu'on va retrouver un peu dans toutes les sciences sociales, dans l'analyse des questionnaires, etc. C'est-à-dire, quel moment on dit, ça va faire une catégorie de gens, sachant qu'en fait, au sein de cette catégorie, il y a encore énormément de diversité. L'intérêt des sciences cognitives, c'est que ça peut permettre de faire des catégories qui sont un peu différentes des catégories classiques de sciences sociales, donc de regarder la diversité, notamment en termes de traits de personnalité qui peuvent être répartis dans la population, mais pas forcément selon les gradients classiques, notamment par exemple, les gradients économiques, etc. Donc ça peut permettre de regarder ça, mais bien sûr, en fait, il faut garder en tête que, évidemment, il y a de la diversité dans les comportements humains, il y a de la diversité, du coup, dans les réponses aux expériences. Donc voilà, il faut... Ça dépend de la question de recherche. Là encore, je n'ai pas de réponse générale. Est-ce qu'on veut regarder un échantillon de la population qui est divers et regarder en moyenne comment les gens se comportent, ou est-ce qu'on est intéressé par la diversité dans les comportements et par expliquer cette diversité-là? C'est un peu des questions de recherche qui sont assez différentes et qui sont intéressantes, mais voilà, il faut toujours avoir conscience de l'équilibre entre les deux. D'accord, merci. C'était intéressant aussi dans le dialogue entre les sciences que vous évoquiez, justement les différentes approches. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole. J'avoue que j'utilise cette magnifique fonction de Zoom qui hide non-video participants. Donc, pour moi, dans cette salle, nous sommes deux. Il y a Lou et moi qui avons nos caméras allumées. Et en fait, je sais que derrière, il y a une vingtaine de personnes. N'hésitez pas une seconde à prendre la parole. Hein. Voilà. Il y a une sorte de pluie de merci dans le chat. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Merci à tous d'avoir été là. Après, je pense que j'ai encore une petite remarque, mais j'ai beaucoup de mal à la formuler. J'ai vraiment pas envie qu'elle soit trop pied dans le plat, mais en même temps, je pense qu'elle est importante. Enfin, j'en sais rien si elle est importante. Elle est importante pour moi. C'est une question, en fait, un jeu, c'est pas forcément une question. C'est un jeu sur la place du monde et la place du langage dans les expériences qui sont présentées. Je suis linguiste à la base. Moi, c'est les sciences du langage qui sont ma formation première. C'est seulement ensuite que j'ai fait de l'informatique. Et c'est seulement en troisième lieu que j'ai fait des sciences sociales, donc des sciences politiques principalement, mais également de la sociologie. Dans l'image, dans le pictogramme que tu présentes sur le sucre, sur le gâteau. Mm-hmm. Le gâteau, il y a un comportement, je ne sais plus comment tu l'as... Oui, la réponse automatique, ensuite le contrôle cognitif. Et du coup, dans ce mécanisme-là, qui est vachement bien parce qu'il est très intuitif, c'est-à-dire moi-même, je sais que quand je vois un gâteau, je vais avoir envie de le manger et je vais moi-même me dire que je suis au régime parce qu'effectivement, on est en septembre, donc je suis au régime. Quoi. Je suis censé reprendre le sport, tout ça. Et là-dedans, tout de suite, quand on parle de régime, quand je parle de sport comme ça, d'une manière très personnelle, devant 20 personnes derrière un écran, il y a le monde, il y a la place du monde. En fait, il y a vraiment cette place du... Par exemple, je l'ai écrit dans ma note, la place du sucre raffiné dans le régime occidental, en réalité. Donc, la place de l'industrie agroalimentaire du sucre raffiné de betterave dans, voilà. Et puis, pour aller plus loin, mais sans vouloir trop que ça soit trop, mais la communication, la publicité autour du sucre comme alimentation. Donc, ce truc, et ça, c'est lié au langage. Hein, que là, on parle du monde, mais le langage aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire manger? Qu'est-ce que ça veut dire régime? Qu'est-ce que ça veut dire comportement, quoi? Et c'est vrai que dans ces expériences, le but, c'est que tu présentes même les choses comme l'un des buts fondamentaux, c'est aussi de couper les liens avec les variables confondantes. De vraiment cette méthode très médicale de découper le problème et tout. Donc voilà, il n'y a pas de questions. Une longue remarque, je ne sais pas si tu veux réagir. Bah, c'est vrai que, en fait, pour moi, il y a deux choses que je pourrais dire. C'est d'une part qu'il y a beaucoup d'expériences qui essayent de couper la question du langage. En fait. C'est-à-dire que vraiment, on va dire, je pense aux expériences de prise de décision où en fait les gens ont le choix entre deux symboles, il y en a un qui leur fait gagner plus d'argent que l'autre, et puis on regarde s'ils sont capables de détecter qui gagne le plus de ça, enfin qui permet de gagner le plus d'argent. Des pictogrammes, tu veux dire? Ouais, vraiment des symboles, c'est des caractères, c'est des dessins, quoi, c'est des fractales, voilà. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de regarder le mécanisme sans passer par le langage. L'autre tendance, c'est de regarder comment, pour moi, ce que ça permet d'éclairer aussi, c'est que ça permet de regarder comment la société peut influencer le comportement, notamment à travers le langage, en présentant les options d'une certaine façon, et donc expérimentalement de voir comment en fait ces différents types de présentations ou ces différentes associations peuvent influencer le comportement. Et dans ce cas-là, en fait, on est plus dans une sorte de pas des constructions, mais d'analyse de l'influence de la société sur le comportement et de comprendre comment justement elle peut générer des différences, comment elle peut créer des situations d'inégalité parce que les populations ne vont pas forcément réagir de la même façon à un même stimuli et que, en fait, on va avoir des problèmes, enfin pas des problèmes, mais des renforcements des inégalités, enfin c'est des problèmes aussi, mais des renforcements des inégalités via ces processus-là. Donc en fait, ça permet aussi de décortiquer un peu ce qui est fait et d'analyser de cette façon-là ce qui est fait en les testant en laboratoire. Quoi. Voilà. Tu veux dire qu'en isolant des processus que je vais qualifier de primitif, parce que finalement, dans le langage, c'est aussi des primitifs du langage, c'est des tendances très fortes de psychologie. On peut démêler les fils de ce que la société en miroir, du coup, à côté, ce que la société fait. Ouais. Bah, pour moi, c'est l'intérêt de ces sciences-là. C'est que oui, alors évidemment, ça donne un éclairage partiel. Il faut bien sûr le compléter de plein d'autres, de tous les autres outils d'analyse qui existent et pas dire, ah, bah, les sciences cognitives éclairent le monde. Mais oui, ça permet d'analyser certains processus de base, de comprendre pourquoi... je ne sais pas, les gens qui se sont battus au moment où il y avait la promotion pour le Nutella chez Carrefour, ce n'est pas forcément les CSP+. Ouais. Donc, non, c'est très clair. Et ce lien au langage, il est très important parce que là, du coup, l'effet des pictogrammes, il est très clair. Tiens, il met vraiment en lumière le fait qu'on essaye de se passer du langage, mais indéniablement, on ne peut pas. Et dans la construction cognitive, je pense, enfin voilà, dans la linguistique, dans son aspect cognitif, il y a aussi ça dans les grands findings, c'est que le langage structure la pensée, et structure au-delà de la pensée, il structure aussi les mécanismes cognitifs. Et donc, du coup, le présupposé, la prémisse, elle est forte, et du coup, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est forte. Enfin, il y a vraiment un aspect un peu de profondeur. Donc cette métaphore de la dissection, elle est intéressante. C'est qu'on essaie vraiment de passer en dessous des mécanismes langagiers du cerveau pour aller plus profond dans des mécanismes dits cognitifs. Et ouais. Bon, enfin, je ne veux pas trop m'étaler. En plus, je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que vous travaillez avec la neurologie, du coup, la visualisation des stimuli dans le cerveau? Oui, mais personnellement, moi, j'en fais pas. Mais c'est l'une des grandes composantes des sciences cognitives. Il faut savoir que maintenant, donc c'est très à la mode hein, de montrer des images de cerveau. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est quand même que beaucoup de choses, beaucoup d'études où il y a de l'imagerie cérébrale, finalement, l'imagerie cérébrale n'apporte pas beaucoup. En fait, l'imagerie cérébrale, maintenant, est considérée comme quelque chose qui devrait arriver vraiment à la toute fin, quand on a épuisé tous les recours qui sont permis par l'analyse du comportement via des expériences comme j'ai présenté là. Là, on peut tester des hypothèses extrêmement précises à l'aide de l'imagerie, mais finalement, énormément de choses sont analysables déjà, juste en regardant le comportement. Je pense notamment quand on essaye de faire le lien avec le reste des sciences humaines, le cerveau n'apporte pas forcément énormément d'informations parce qu'en fait, l'imagerie va permettre de tester des hypothèses extrêmement précises de sciences cognitives qui ne sont pas forcément pertinentes pour l'analyse du comportement dans la société en général. Donc, oui, et moi, pour moi, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais à prendre un peu avec des pincettes. Quand même, parce que souvent ça montre pas grand chose. Par exemple, on va faire une étude où on montre que les participants préfèrent l'option A à l'option B, et puis on va la faire sous IRM et on va montrer que le cortex ventromédian qui est associé à la perception des récompenses ou le striatum qui est associé à la perception des récompenses va être plus activé quand les gens voient le stimulus A ou par rapport au stimulus B. En fait, c'est une information qui est complètement redondante par rapport au comportement. Donc voilà, c'est. Il y a des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes grâce à l'imagerie, mais beaucoup de choses peuvent être déjà vues par le comportement, et notamment ce qui est pertinent pour l'analyse du comportement en société, c'est l'imagerie n'apporte pas forcément énormément d'informations. C'est marrant comme le parallèle avec le big data et la visualisation de données. Tiens ce que tu veux. Vaut mieux d'abord analyser des données, trouver des findings, et puis après on fera des jolis graphiques, parce que franchement, les jolis graphiques ne vont pas nous. Voilà. C'est pas ça qui va nous donner des résultats. Merci. Évidemment, ça pose question. L'analyse exploratoire de données fait des choses très bien. Ben oui. Il y a une remarque plutôt qu'une question de du coup, Dimitri dans le chat qui du coup, parle de pragmatique. Et parle des études un peu méta sur l'influence de la formulation de la question sur la réponse. La question, c'est en sondage plus traditionnel, plus classique, c'est une évidence. Les batailles de la place de la virgule dans la formulation de la question, etc. Et c'est très. Enfin, voilà, là, effectivement, merci Dimitri, ça éclaire. Et, enfin, voilà, il faut mobiliser ces études, en fait. C'est plutôt dans la mobilisation des études et la mobilisation de l'interdisciplinarité, l'insertion. Tout à l'heure, Jean parlait d'insérer dans les disciplines et dans les discussions. Enfin, j'ai participé à la construction de questionnaires. Donc, je parle de questionnaires classiques, sociodémographiques, très typiques avec de la science, avec de la science politique, pour finir ma phrase, où effectivement, au moment de la formulation de la question, on ne mobilise pas ces études-là. Et on ne mobilise pas la large connaissance scientifique qu'il y a sur l'influence du langage, etc. Donc, on se retrouve avec des questionnaires qui sont pas bons. C'est pas de la bonne science. En fait, il y a de la bonne et de la mauvaise science. Il y a de la science qui mobilise ses pairs, puis il y a de la science qui fait n'importe quoi. En réalité, c'est juste assez simple. Mais, il y a là, avec les sciences expérimentales et le fait que, du coup, elles ont une sorte de poussée, une sorte de visibilité qui a accru, et on essaie de scruter, en réalité, des détails de la méthode. Et comme si on pouvait trouver intrinsèquement quelque chose qui soit bon ou mauvais dans la méthode. En réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvaise méthode. Il y a des méthodes qui sont bien ou mal appliquées, où on mobilise les sciences qui sont adjacentes, on va dire, si on veut les mettre sur un plan, ou pas. L'insertion des sciences expérimentales dans, par exemple, la psychologie, et psychologie expérimentale, c'est crucial. Voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile de répondre simplement. Ça se joue au coup par coup, dans une étude donnée, dans vraiment tisser le fil. Ouais, voilà. Il y a une autre. Il faut que je les retrouve, dit Dimitri. Herbert Bomard. Ok. Ben, je suis preneur de références. Je vais donc le podcast audio de cette séance sera mis en ligne. Il sera mis en ligne avec le PowerPoint de la présentation de Lou, si tu veux bien me le donner. Et éventuellement, s'il y a des références dans la discussion et des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à m'écrire, enfin à écrire à l'équipe du médecin. Mais rajoutez-moi. Je voulais justement demander une référence. J'en profite. Lou, est-ce que tu aurais la référence, pas maintenant, hein, peut-être plus tard, sur la question, la réponse plutôt, femme plus digne de confiance et personne racisée moins digne de confiance? Parce qu'en réalité, dans ces deux questions croisées, il y a un jeu sur l'intersectionnalité. Du coup, l'intersectionnalité avec des guillemets en tant que concept, voilà, il y a beaucoup d'études qualitatives, etc., de tous les milieux féministes, sciences sociales, qui traite de cette question-là. Et là, on a un cas spécifique d'intersectionnalité où il y a discussion à avoir. Ouais, alors sur genre et confiance perçue, il y en a pas mal sur racisme et perception de la confiance. Il y en a moins parce que ce n'est pas forcément la question qui est la plus posée. Les ouais. questions qui sont plus posées, c'est compétences et menaces. D'accord. Mais je peux t'envoyer des choses. Voilà. Je pense juste pour rebondir sur l'idée de bonne et de mauvaise science, je pense que ça vaut aussi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des expériences qui sont mal faites parce que on va s'intéresser à des comportements politiques, mais en fait sans lire la littérature de sciences politiques. Mmh. Et donc du coup, voilà. Donc, faut pas aussi. Enfin, voilà, je suis très pour pas mettre les sciences comportementales sur un piédestal par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Je pense que la discussion, elle va se faire dans les deux sens et que les sciences cognitives, quand elles s'intéressent à des comportements qui sont plus, en fait, qui ont peut-être plus, enfin, qui cherchent à expliquer des comportements réels, entre guillemets, doivent aussi beaucoup s'informer de ce qui a été fait et de ce qui est fait dans les autres disciplines et pas se dire, pas se baser sur des intuitions quand on crée un questionnaire, on ne peut pas forcément ignorer ce qui existe dans les études comportementales, quoi, ce qui a été fait par les études comportementales. Ouais. Voilà. Je suis super dégoûté parce que je n'arrive pas à copier le chat depuis tout à l'heure. Et depuis nous a envoyé les références. Donc, il y a du behavior and brain science. Nous, il y a effectivement des choses super intéressantes sur les heuristiques. Bon, c'est riche en tout cas, c'est riche de discussions. On peut tout à fait. Donc il est midi, hein, plus ou moins midi. Ouais, midi 2, exactement. Moi, je peux, s'il y a encore des questions, moi j'ai plus de questions, je vais pas m'étaler plus sur la bonne et la mauvaise science. Mais n'hésitez pas, sinon cette discussion continue par mail. Donc nous, on partage nos bureaux, hein. Donc on continue de discuter de tout ça, et surtout on continue d'essayer de croiser ces méthodes, puisque c'est un peu ça que c'est un peu ça qui est le but là. Oui, et aussi si certains d'entre vous veulent mettre en place des protocoles expérimentaux et veulent en discuter, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail, c'est avec plaisir. Enfin, j'adore faire des expériences. N'hésitez pas. Il y a encore des questions, du coup, Dimitri. Éventuellement, j'aurais une question sur l'usage des covariables. Faut-il en limiter l'utilisation au même titre que les variables classiques pour ne pas alourdir les protocoles? Ouais, pour moi, l'idée, c'est maintenant d'essayer d'avoir les... Enfin, et c'est très, très dur, hein. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à des comportements... qui sont un peu plus complexes, ben on se dit que tout va avoir une influence, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une question de recherche hyper précise et de limiter au maximum tout ce qui peut contaminer à la fois le design expérimental et les analyses. Parce qu'en fait, sinon, on se retrouve avec des régressions, avec 10 variables dedans, 25 000 interactions. Enfin, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de nettoyer tout ça et de se dire on va faire petit. Et c'est aussi là où c'est lié aussi aux questions d'échantillons, c'est-à-dire que si on veut faire petit, on ne peut pas forcément faire petit à chaque fois sur des échantillons représentatifs. Donc faire petit sur un échantillon de 200 personnes, essayer, regarder ce qui marche, répliquer si c'est pertinent de répliquer. Souvent quand on fait quelque chose de petit, c'est pertinent de répliquer, et puis après enrichir la question peut-être, mais en tout cas en commençant par vraiment essayer d'avoir un effet clair qui est quelque chose qui est vraiment ancré dans la théorie, etc. Sinon, c'est vraiment le piège auquel on est confronté tout le temps, quoi, de se dire « Ah oui, mais il y a plein de ça, et puis on pourrait aussi faire varier cette dimension-là et celle-là. » Et puis en fait, ça arrive à des choses qui sont juste monstrueuses et pas analysables, et c'est dommage, quoi. Donc, Merci. C'est cool. Un grand merci, pardon. J'étais en train de dire. Merci beaucoup. Merci Lou en premier. Merci à tout le monde pour les questions, pour cette discussion intéressante. Et du coup, je mettrai en ligne le contenu. Merci d'avance Lou pour le partage de ta présentation. Et je vous retrouve pour la prochaine séance du MedSem, qui sera en fin novembre, du coup sur la mesure de l'abstention avec Bruno Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.